CFU.ca 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à CFU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Pourquoi non? Qu'est-ce qui se passe? Ça l'a fait exactement la même chose hier durant mon émission. Mais pourquoi? Aucune idée. OK, on va réessayer. Ah? C'est bizarre, par exemple. Comment régler ce problème-là? J'en ai aucune idée. Et on fait comme si de rien n'était, puis on recommence? Ouais, allons-y. Good. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On goûtera un produit du tiroir dans la chronique gastronomique Cheap, une grosse pointe d'allresse. Et Daniel nous guidera à travers ses pensées dans Taniel's Galage Eugénia. Assemblage requis commence tout de suite. Sans aucun délai. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 29 septembre 2016, à 210 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On t'en dirait les studios de Tifo à Trois-Rivières sur notre chanson thème de Valès Parietta, remaniée par Ludwig Göransson. Chanté par nous-mêmes, toi et moi. Ben oui, voilà. On dit jamais ça, on veut pas s'en vanter. Non, c'est ça, on le dit pas trop fort, mettons. Bref, ça va Tania aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Oui, passé une belle soirée hier. Oui, quand même, ben oui. Moi aussi, c'est le fun. Dormi une bonne partie de la soirée. Ah ouais? Je pensais pouvoir réussir à regarder la deuxième partie du débat. Je vais être tellement en retard que genre on va être rendu au jour des élections. Ouais, c'est ça, puis tu vas l'avoir fini. Ça va être incroyable. Donc aujourd'hui à l'émission, Tania, on a un petit plan très simple, pas de chroniqueur étrangement. On a eu beaucoup de chroniqueurs depuis le début de la semaine. On n'a pas des gens de l'AGE, Mathieu, qui viennent nous voir ce matin? Hey, t'as raison. Ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Ça commence vraiment bien l'émission. J'ai noté dans mon agenda personnel et dans le fond d'agenda sans ben assemblage oui. requis. Une erreur comme facile à faire. Hein? Donc, on a la chronique de la GQTR qui va être dans le milieu de l'émission tout à l'heure. Ça va être vers les 8 heures, si je me rappelle bien. Autour de ça, on a ta collègue à toi, Tania Isgolan-Tutania, après ça. On va finir l'émission avec une grosse pointe d'allresse. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'ai mon produit dans le sac que je t'ai demandé de ne pas regarder. Ben oui, j'ai absolument rien vu, honnêtement. Absolument pas. On va commencer avec son foutu mamarès dans quelques instants, mais avant ça, une pièce de Clou Pelgag. On n'est pas du genre à triper bien gros sur les nouvelles chansons francophones du palmarès. Non, parce qu'on a l'impression que c'est des chansons qui s'écoutent quand même bien le matin. Oui. Très de bonheur. Ah, c'est parce que vous allez voir, c'est pas quelque chose qui va vous brasser éternellement. Disons que c'est pas un remontant. Non, c'est ça. C'est calme. Ça s'écoute bien le matin. Est-ce qu'on fait juste l'écouter puis les gens se feront leur propre opinion? Ouais, voilà. Faisons ça. Et juste après son foutu palmarès, on parle nourriture aujourd'hui parce qu'on suit la lignée d'une grosse pointe d'allresse. Mais pour l'instant, Clou Pelgag et sa nouvelle entrée samedi soir à la violence. C'est aucunement violent. J'entends souvent cette voix, celle qui habite en toi. Éclats de rire figés par le froid. Il me blesse maintenant que tu ne te souviens plus comment. Souviens-toi, souviens-toi, s'il te plaît, ne m'oublie pas. regarder sur ta montre. Elle a échappé le temps. Elle remonte à la violence. Samedi soir, la violence, clope le gag. Ouais! C'est ça, vous vous ferez votre propre opinion. Ouais, mais ça, ça devient bon à la fin, je trouve. Ben quand oui, même quand un même. Petit peu de, une petite ambiance là-dedans que j'aime beaucoup. Donc oui, vous êtes toujours à Assemblage Requis. Maintenant, ben, on débute l'émission d'aujourd'hui avec son foutu palmarès. Pour le mieux, jusqu'à ce que je tombe sur sa c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on parle de fast-food parce que d'habitude, les jours où on fait une grosse pointe en dresse, ça nous inspire à faire ça. Mm-hmm. Moi, ça m'inspire énormément. Les jours de sport, on fait des chroniques de sport. Que voulez-vous, des fois, hein? L'inspiration vient de différents endroits. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, on parle de faits sur les collations de parcs de baseball. Ah, ben oui. Tu sais, des trucs, des collations, le fun dans des parcs sportifs, pas nécessairement de baseball. Il y a des trucs qui sont ailleurs. Tu sais, bretzel, peanut... chip tortillas. Ouais, ouais. Des trucs comme ça. Donc, s'asseoir pour regarder le sport sans collation, c'est plate un peu. Hein? Ouais. Même au début de l'histoire du baseball, en fait, il y avait des collations et ça a changé avec le temps. Donc, il y avait des tripes d'animaux. Il y avait des oignons qui étaient bien populaires dans le temps. Dans, okay. dans des matchs de sport, c'est vrai. Mais ici, on a des classiques qui ne disparaîtront probablement pas de sitôt. Commençons bien sûr par le plus classique des classiques, le hot dog. Ben oui, évidemment. Hein? Les hot dogs sont connus partout dans les stades. Ils sont devenus populaires pour la première fois au Chicago World's Fair. C'est une foire hein, en 1893, un genre d'expo. Là. On appelait ça les Dachshund Sausages, un okay. peu comme les saucisses de chien-saucisse. Ouais. Les chiens-saucisses. Hein. C'est servi avec du pain, donc c'était facile à manger dans sa main. Et dans la même année, les hot dogs sont devenus disponibles dans des parties de baseball après avoir fait les foires. La légende dit que Chris Von D. A., un immigrant allemand et propriétaire des St. Louis Browns, l'équipe de baseball, a présenté les saucisses dans les stands de salle de baseball à St. Louis. Et pour le nom, les historiens du hot dog sont pas trop sûrs, ils sont divisés là-dedans. L'histoire crédite le gars qui faisait les dessins, là, les illustrations, les okay. caricatures du New York Journal, Tad Dorgan, qui avait dessiné une scène de vendeur de hot dog dans un stade qui vendait ça en 1901. Il savait pas trop comment appeler le chien Dachshund, Dachshund, ou peu importe comment vous le prononcez. Dorgan a simplement écrit « chien chaud »,« hot dog », parce qu'il avait chaud. de baseball, bien sûr. Une autre histoire dit que le nom vient des villes universitaires dans les années 1890 où les Dog Wagons vendaient des hot dogs aux étudiants. Ensuite, les nachos. Oui. Les nachos, c'est pas apparu dans les stades de baseball et autres avant 1976. Oh, combien de temps? Oui, c'est Frank Liberto qui vendait ça au parti des Texas Rangers. Il s'appelait The Father of Nachos, le père des nachos, et il a révolutionné les collations au baseball en créant une sauce au fromage qu'on pouvait servir rapidement avec une pompe. OK, oui. Un peu comme du shampoing ou peu importe. Ou du ketchup. Du ketchup, ouais, c'est ça. Mais c'est une pompe avec, tu sais, que tu pouvais juste taper. Ouais, comme dans les restaurants, le ketchup. Exactement. Non, pas les bouteilles. Bref, sa formule de fromage condensé ne demandait que de l'eau et du restant de jus de jalapeno, de garniture à jalapeno. Donc, un mélange qui doublait le fromage et les profits. Voilà. Ah, ben oui. Donc, Liberto, au départ, avait de la difficulté à amener ses chips couvertes de fromage dans les stades parce que les opérateurs de stand, de restaurant, avaient peur que les nachos allaient avoir trop de succès et allaient distraire les gens qui allaient donc pas acheter leur collation dans le stade. Leur peur était valide parce que la première année qu'on a offert des nachos au Arlington Stadium, ça a fait 800 000 $ comparé à 85 000 $ en vente de popcorn. What? Incroyable. C'est fou. Ensuite, bien sûr, la bière. Ben oui. Oui, le baseball est considéré comme un sport familial, mais c'était pas le cas à la fin du 19e siècle. À l'été de 1883, le propriétaire des St. Louis Browns, Chris Von der Hay, le même que tout à l'heure, a créé, c'est un gars productif. Ouais, vraiment. Il a créé sa propre ligue nommée l'American Association, qui offrait donc des parties de baseball pas chères avec de la bière très disponible. Edward Acorn, auteur de The Summer of Beer and Whiskey, dit que Von der Hay, que c'est parti du dimanche à Von der Hay, aidait les immigrants et les nouveaux fans de baseball à savourer le sport, mais la bière faisait que les foules étaient un petit peu un petit peu trop excitées. Ouais. Les gens buvaient beaucoup, ils criaient envers les arbitres, donc ça faisait controverse un petit peu. Ah, ben tu vois, ça n'a rien de nouveau avec le baseball d'aujourd'hui. Absolument. Ensuite, les bretzels. Les classiques gros bretzels. Pas les petits bretzels en sac, là. On parle des gros pains, là. Tu peux mettre de la moutarde, du sel dessus. Donc, c'est très américain, très, très portatif comme collation qui a été intégrée dans la culture du baseball. Les bretzels très, très solides, très, très croustillants, étaient une addition assez évidente dans les stades de baseball. Philadelphie dit être la première ville à avoir essayé les bretzels mous américains, typiquement américains. Et c'est considéré, le fait qu'ils ont plusieurs centaines de clubs de baseball. C'est ça que ça veut dire? Ouais. Donc, c'est inévitable que les vendeurs de rue qui vendaient ces collations-là aux gens qui passaient devant le stade allaient éventuellement remplir le stade de leur propre bretzel. Tant qu'à faire. T'es dehors aussi bien être en dedans. Exact. Tu peux les vendre aux fans quand ils en ont besoin. Parce que c'est tellement long et plate du baseball. Oh, oups. Mathieu. Pas vrai. Ensuite, les peanuts. Les peanuts. C'est un classique. Encore absolument classique, assaisonné ou pas assaisonné, sel ou sans sel, peu importe. Et ça date de la guerre civile. Au début des années 1800, les peanuts, les cacahuètes, les arachides, on les faisait pousser, pour les animaux. C'est ça? Oui. Ou encore pour leur huile, faire du beurre d'arachide et d'autres trucs comme ça. C'était considéré donc une nourriture seulement mangée par les pauvres. Donc on donnait ça aux animaux et on l'utilisait pour faire de l'huile. Bref, mangée par les pauvres. Mais pendant les longues années de la guerre, les soldats amenaient des peanuts bouillis. Okay. Comme collation pas chère. Ça goûtait meilleur que les arachides normales et ça leur donnait beaucoup de protéines, disait-il. Après la guerre, les vendeurs de rue ont commencé à vendre des peanuts bouillis et des peanuts rôtis qui sont devenus bientôt populaires lors de matchs sportifs. Boiled peanuts. Bouillis. Je suis pas sûre. Ensuite, les Cracker Jack. Ah ben oui. Le fameux popcorn avec avant des jouets et maintenant un petit carnet de bande dessinée et autocollants que personne ne veut avoir. Ouais. Personne s'en sert, c'est dégueulasse. Ils sont platounés maintenant. Vraiment plat. Donc les hot dogs, c'était pas les seules choses populaires. À la foire du monde de 1893 dont on parlait tantôt, les Cracker Jacks sont devenus populaires là aussi. Simple collation fabriquée avec du popcorn, bien sûr, des arachides, faut pas les oublier, et de la mélasse. Je ne savais pas qu'il y avait de la mélasse. Je pensais que c'était plus du caramel ou quelque chose comme ça. Mais non. Alors c'est devenu une icône culturelle qu'on ne peut pas remplacer, bien sûr. En 2004, le Yankee Stadium a essayé de remplacer les Cracker Jacks avec la marque Crunch & Munch. Ça a duré seulement un mois. Les gens ont dit non. Ramène mes Cracker Jacks, s'il te plaît. Ensuite, la barbe à popa. Ben oui. Ah oui. Des fois, en anglais, on appelle ça de la fairy floss. Ça donne envie de dire de la soie dentaire de fée. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. On appelle ça comme ça. En fait, à la même, pas la même, à une autre World's Fair, une autre foire en 1904, Donc, un simple bonbon qu'on a à des parties de baseball, dans des cirques, des carnavals, peu importe. Mais en 2015, les vendeurs du Texas Rangers Globe Life Park Stadium, ils s'aident vraiment avec les noms des stades. Ouais. Ça, puis climatisation clôture. Ils ont décidé donc de changer un peu quelque chose de bien connu. Ils ont essayé de fusionner deux collations. Donc, la barbe à papa et les hot dogs. Ça s'appelait le Sweet Spot Cotton Candy Dog. Ah. C'était un hot dog avec de la moutarde, avec infusion de barbe à papa et une motte, je dirais une motte, hein, ouais. De cette confection sucrée sur les hot dogs. Les critiques ont dit que cette concoction, qui en passant coûtait 10$, était surprenamment délicieuse. Oh, il faut leur faire confiance. Je suis pas certaine, j'aurais essayé, moi. Il y a des mash-ups, disons, de nourriture qui peuvent des fois être assez bizarres, mais qui peuvent être très bonnes. Ensuite, le barbecue. C'est pas chaque stade qui offre du barbecue, comme du porc effiloché ou même des côtes levées, comme sur la photo. Il y en a qui offrent des beans. Ça a l'air assez incroyable, mais plusieurs stades sont connus dans des villes qui sont typiquement des villes de barbecue, mm-hmm. comme Kansas City et Memphis. On offre des assiettes saisonnières grillées. Des anciens athlètes qui ont lancé leur propre entreprise, leur propre franchise. L'ancien joueur des Orioles et champion de deux fois des séries mondiales, Boog Powell, a démarré sa propre compagnie de barbecue à l'intérieur de Camden Yards. Oh, c'est dommage trop. Ça doit fonctionner au bout. Je veux dire, regarde ça là, sur la photo sur l'assemblagerequis.com. J'en mangerai probablement une vingtaine, ouais. Ils doivent coûter au moins 20$ chaque. Si une bière coûte genre presque 10$, puis que, tu sais, que le hot dog de tantôt à la barbe à la 10$, ça doit coûter minimum 30$. Peut-être. Ensuite, les graines de tournesol. Ça, c'est le grand classique. T'aimes ça? Moi, j'ai jamais vraiment trippé sur les graines de tournesol. Non, mais c'est le classique baseball. Oui, parce que tu craches à terre. Ouais, c'est ça. Les joueurs, ils mangent tout ça, puis les gens dans le stade pitchent ça partout. C'est ça. C'est la chic du tabac, puis ça mange des graines de tournesol. C'est ça, exactement. Donc, au début du baseball, plusieurs joueurs marchaient du tabac sur le terrain. Mais en 1968, la légende du baseball, Reggie Jackson, a commencé à marcher des graines de tournesol. Et c'était pas le premier joueur à le faire, mais sa popularité a aidé, disons, à amener ça pas mal sur le terrain. Plusieurs joueurs et plusieurs femmes qui aimaient ça cracher pendant la partie, ça leur donnait de quoi faire à la place de regarder le match. On passait donc du tabac, du tabac à la graine de tournesol, mais c'est pas. Ça venait avec un petit danger, mettons. En 1995, la Professional Baseball Athletic Trainer Society a déclaré le Sunflower Seed Finger. Donc, c'est une nouvelle maladie causée par les athlètes qui allaient dans leur poche avec trois doigts pour attraper une graine. C'est vrai. Oui, ce qui faisait du mal à leurs petits doigts, parce qu'ils y allaient avec les trois doigts, puis là, ben, leurs petits doigts étaient à l'extérieur de la poche, puis ça pouvait faire mal. OK. Ouais. Mmh. C'est vraiment l'association des entraîneurs athlétiques de baseball professionnels qui a déclaré ça. Il y a une grosse association. Pas pire, hein? Ensuite, le popping corn. Le popping corn. Popping corn, qui est un classique, bien sûr, qui ne va jamais nous quitter, mais à la All-Star Game, la partie toute étoile de 2015, les fans ont mangé, on estime, 1 026 000 livres de popping corn. Et bonus, un seau de popcorn de stade peut aussi être une mitaine. Ah, parce qu'on attrape souvent des balles dans leur seau de popcorn ou dans leur bière. Voilà. Ensuite, les corn dogs, ce qu'on appelle les pogos des fois. Oui. Même si le bâton est pas pareil, nous, les pogos ont un bâton plate, alors que d'habitude, les corn dogs ont un bâton comme un shish kebab. Mm-hmm. Hein? Donc, les corn dogs, c'est bien sûr comme un hot dog, mais frit. Hein? On n'a pas besoin de l'expliquer. Mais si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aller au Chase Field des Arizona Diamondbacks, où on peut acheter un corn dog à 25$ qui s'appelle le D-Bat Dog. C'est donc une grosse saucisse, bien sûr, frite. Elle fait 18 pouces de long, ce qui est trois fois la longueur, trois fois la dimension d'un corn dog traditionnel, avec 832 calories. Non. Hein? Sans aucune garniture. Évidemment, si on ajoute des garnitures, on ajoute des calories. Hein? Mais oui. Et ça ressemble à une batte de baseball. Oh my God. Oh my God. Le D-Bat Dog, allez voir, il y a un petit article de NPR là-dessus sur assemblagerequis.com. Ensuite, la crème à glace. Ah oui? Ah oui, on parle évidemment ici de faits sur les collations qu'on peut retrouver dans des stades, dans des foires, des collations traditionnellement sportives. Donc, une des choses les plus récentes qu'on peut acheter dans un stade de baseball, les vendeurs vendent de la crème glacée molle dans des casques d'équipe de baseball. Dans ce cas-ci, je pourrais pas dire c'est quoi l'équipe, là, les Walgreens de pharmacie de je sais pas quoi, là, c'est quoi, c'est un W ou un M, ça, c'est quoi? Où ça? Sur la photo, avec un casque de baseball. C'est un W, Mathieu, c'est les White Sox de Chicago. Je l'avais dit. Tantôt, ben oui, je sais. Tu m'écoutes pas. Donc, ça existe depuis les petits casques. On parle depuis les années 70. Les Chicago White Sox et leur stade avaient donc des sonnets de crème glacée de 3 livres dans de gros, gros casques en 2014. Le département du marketing de l'équipe disait qu'on devait séparer ça en gang. Je pense que ça vaut la peine qu'on mette la photo sur la page Facebook d'Assemblage Ricky, juste pour que les gens puissent te dire que c'était les White Sox. Je te fais confiance. OK. Merci. Ensuite, non, je m'assume tellement. Le numéro 13, c'est les cornichons. Ah, des oui, cornichons dans un stade. Stade de baseball, incroyable, mais vrai. Qu'ils soient frits, comme tu sais que j'adore les cornichons frits. Oui. C'est génial, j'adore ça. Donc, les pickles frits, c'est malade. Donc, c'est devenu populaire dans les stades de sport. Au-delà du fait que ça prend vraiment pas beaucoup de temps, je trouve, à manger, les cornichons peuvent aider les athlètes ou les fans à se remettre de crampes musculaires. Ah, oh, ouais, j'aime bien. Il y a aussi une autre utilisation pour les concombres qu'on appelle brine cucumbers. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, des brine cucumbers? Non. C'est genre mariné fermenté. OK. Ouais. Bref, donc ça a une autre bonne utilisation, c'est que ça donne des noms des fois aux équipes de baseball. Récemment, on a créé les Portland Pickles, qui est une ligue collégiale d'été qui a reçu son nom à partir d'un sondage en ligne. On les a nommés donc les Portland Pickles. Un sondage en ligne. Un sondage en ligne? Fallait pas faire ça. T'as quelque chose contre... C'est sûr ça allait sonner quelque chose de même. Mais... Ça aurait pu être Pickle McPickle Face. Les Pickles de Portland. Ouais. Les Pickles de Portland. C'est une équipe mineure. Oui, mais quand même. Coca-Cola. C'est quelque chose qu'on boit lors de parties baseball ou d'autres sports. C'est parfait pour aller avec des hot dogs ou du popcorn. Coca-Cola donne même le crédit de son succès, ou une partie de son crédit, à des salles de baseball. À la fin des années 1890, Coca-Cola était le seul cola disponible, la seule boisson gazeuse disponible en fontaine. Benjamin Thomas et Joseph Whitehead, deux fans frustrés et assoiffés, se sont plaints qu'ils ne pouvaient pas savourer donc de la... Attends un peu. Je recommence ça. C'est seulement disponible en fontaine et non pas au stade de baseball. Donc, les fans se sont plaints, disant qu'ils ne pouvaient pas boire de la liqueur à leur stade préféré, lors de leur jeu préféré. Ils ont commencé à embouteiller leur propre coke pour pouvoir l'amener au stade. Réalisant le potentiel, Thomas et Whitehead ont approché Coca-Cola. Et ils ont eu le droit de mettre ça en bouteille et de vendre le cola partout au pays. Donc, maintenant, non seulement est-ce que Coke est disponible partout, son logo et son nom sont toujours visibles en tant que publicité dans les stades bien du pays. Souvent. Ouais. Et finalement, la gomme ballon. Oui. Oui, un peu comme les graines de tournesol. La gomme ballon, c'est une collation. Je sais pas si on peut dire que c'est une collation parce que ça remplit pas grand trou, là. À part peut-être des gencives si tu viens de te faire enlever dedans. Ouais, c'est ça. Ça fonctionne super bien, ça. Donc, une des marques les plus populaires, tu connais sûrement Big League Chew. C'est la marque qui venait avec des cartes de baseball, ça. Ouais, quand il était plus jeune, là, mon frère en avait. Il y avait des machines de ça récemment, quand même, il me semble, semi-récemment. Si tu vas dans les arcades, je pense que ça existe encore, ces machines distributrices de gomme là. Ça, c'est à l'endroit où il y a, dans les villes où il y a encore des arcades. C'est ça. Quand même rare. Donc, démarré par lanceur des Portland Mavericks, Rob Nelson, ainsi que Jim Button, oui, qui pensait que le tabac à mâcher n'était pas quelque chose de bon pour la santé, comme des visionnaires, on doit dire. Donc, le lanceur a passé 2 ans à essayer de vendre sa gomme ballon qui est un petit peu déchiquetée. C'est ça le but de cette gomme ballon-là. Big League Chew, c'est que c'est comme effiloché, comme du sport effiloché. Bref, l'idée est éventuellement devenue populaire et même les amateurs de tabac, les joueurs de baseball, ont changé pour leurs copines ou leurs femmes ou ceux qui leur demandaient. Oui, parce que c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Quelqu'un qui chique du tabac. Et voilà. C'est un petit peu plus... un petit peu meilleur pour la santé, même si ça reste très, très, très sucré. Mais bon, moi, c'est pas du tabac. Hein? Voilà. C'est tout pour cette section de Son Foutu Palmarès. Je garde en tête de liste, on a parlé tantôt de mash-up de nourriture. C'est dans ma liste pour les prochaines chroniques de Son Foutu Palmarès. Donc, on garde ça pour une autre journée. Mais les liens sont sur assemblagerequis.com pour voir les photos. Et Tania, ben, par gentillesse totale, va nous mettre la photo du casque pour que les gens puissent rire de moi à profusion. Et Colin, que ça ne surprendra pas personne, non, sérieux. J'espère. Probablement pas, mais... Mais c'est toujours bon de rire de son collimateur. Et voilà. J'ai fait la même chose, donc c'est correct. Tu te donnes la permission. On prend une pause au retour. Nouvelle chronique. Le retour de la chronique de la GEQTR. Et le retour de la chanson thème. Oh de mon GEQTR. Dieu! Au retour, restez là. C'est une surprise. De toujours à Assemblage Requis. Alors, ce jeudi 29 septembre 2016, c'est Tania Beautin. Et Mathieu Plante. Oui. Et maintenant, après une très, très longue absence à l'émission, on revient à nos racines avec la chronique de la GEQTA. Et il y a quelques années, j'ai enregistré, ça fait vraiment longtemps, une introduction pour la GEQTA. J'ai hâte d'entendre ça, Mathieu. Je sais, c'est très honteux et j'espère qu'Alex Marchand, joueur d'improvisation maintenant à la Luître, va savoir apprécier l'absurdité de cette chanson-thème. Donc la voici, c'est la chronique de l'AGEQTR. AGEQTR, AGEQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTA, parce que l'AGEQTA, ça n'a pas d'âge. Yo! Pro! Oh! Oh my god! Wow! Alex Marchand, président de l'AGEQTR qui est avec nous ce matin, avec tout son sérieux et sa préparation, et moi j'arrive avec cette intro-là. Un one-hit wonder, qu'on appelle. Hey, j'en ai fait plein des intros pour ces missions-là. J'ai jamais dit qu'elles étaient pas bonne, mais celle-là est particulièrement mauvaise. Particulière, point! Donc, Alex, bonjour à toi. Ben, bonjour à vous. Merci de me recevoir ce matin. Ça fait tellement plaisir et on va être très transparent à l'émission aujourd'hui en disant que ça s'est préparé comme ça là, en 3 jours, je pense, entre proposer la chronique, accepter la chronique et venir faire la chronique. Oui, exactement. Donc, 5 à 7 de Zone Campus, je pense, mardi, on s'en était jasé un peu, puis voilà, on est là, puis c'est vraiment le fun. Genre, mardi, on l'a suggéré, on mercredi, on a dit oui. Yes. Bref, c'est comme ça qu'on veut que la GEQTR run, hein? Oui, ben oui, c'est rapide. Ça fonctionne efficacement. Et t'es le président, donc t'es le gars au sommet de la pyramide de cet empire. Ouais, je dirais plus, plus de la coordination que d'être au sommet. Là, je dirais c'est beaucoup de logique. Il y a d'ailleurs eu lieu hier qui a tous les pouvoirs dans le GEQTR. Est-ce qu'on en parle tout de suite, justement? Tiens, parlons-en, vu qu'on aborde le sujet, pourquoi ne pas changer l'ordre un petit peu? Par rapport à l'Assemblée générale qui avait lieu hier, c'était en après-midi, au 10-12, dans un nouveau 10-12 fraîchement rénové et pas encore complètement terminé. Et qui sent encore probablement la peinture. Oui, c'est l'odeur est vraiment là. Ah oui, effectivement, mais ça, quand même, par rapport au 10-12, je vais peut-être commencer par ça. On est vraiment content, l'université a quand même mis beaucoup d'argent dans la rénovation du 10-12. Mm-hmm. Nous aussi, d'ailleurs, on a fait installer du nouvel éclairage. Ouh. Et de la nouvelle solarisation. Donc, il y a beaucoup d'associations, de petites associations qui vont avoir les mêmes moyens que des plus grosses associations pour faire des parties. Donc, pour se financer, ça va être vraiment le fun pour eux autres. Puis aussi, dans une mesure plus large aussi, pour l'ensemble des étudiants de l'université, ça peut créer une espèce de culture de party qui va être le fun. Oui, parce que c'est moins gymnase que c'était. Le plancher a changé, vraiment. Les murs vont changer, j'imagine, de couleur, d'angle pour le bar aussi. Il y a plein de trucs qui changent. Oui, effectivement. Mais là, en ce moment, c'est encore en construction. Donc, il y a quand même des parties qui ont eu lieu. Le fond party a eu lieu, d'autres rassemblements d'associations, mais c'est dans un territoire qui est en construction. Oui, exactement. Ça va être prêt pour quand, ça? Ça, en fait, on attend à peu près fin octobre, début novembre, la fin des travaux. C'est sûr qu'il y a eu un petit bloc au niveau du ministère, en fait, qui manquait des signatures, en fait. Puis ben, là, ça a comme pendant 2 mois, ça a un peu chamboulé. Puis ben, ça a commencé plus tard, c'est pour ça que c'est pas terminé. C'était supposé être fini pour le show de la rentrée, c'était finalement. C'était la théorie qu'on se disait que ça aurait pu être fini pour le show de la rentrée, mais... Oui, malheureusement, ça n'a pas été possible. C'est pas grave. Donc, on parlait du 10-12 parce que c'est là que ça avait lieu, l'Assemblée générale. Pourquoi est-ce que ça avait lieu? C'est l'Assemblée générale annuelle? C'était une assemblée normale? Exactement. Donc, on a déposé les états financiers, le budget a été déposé aussi. Entre autres, il y a eu la nomination du vérificateur pour l'année prochaine. On a présenté le conseil exécutif, donc les 9 personnes qui travaillent pour l'ensemble des étudiants, 20, 40, 60 heures par semaine. C'est moi, 60. Ouais. C'est ça. Puis aussi, en fait, on a présenté les grandes orientations, donc un peu les plans d'action de chacun des officiers. Il y a eu beaucoup de questions à ce sujet-là. Dans le fond, je trouve ça super le fun que les gens aussi se sentent impliqués là-dedans. On a un très bon taux de participation en plus à l'Assemblée générale. Plus d'une centaine de personnes se sont déplacées. Ah ouais, mon Dieu, c'est bon. Ouais. Effectivement, puis il y a eu beaucoup de débats, honnêtement. Je m'attendais à peu près 1h15, 1h30. Ouais. Finalement, on est passé à travers la période de levée de cours au complet. Donc, il y a eu plusieurs sujets qui sont arrivés sur la table, entre autres le stage en médecine podiatrique, qui ont peut-être un NYCPM, qui est New York Podiatric School of Medicine, qui est un problème, en fait, parce que le stage serait comme coupé avec l'université présentement. L'université est à réévaluer ses options, donc ils ont fait voter une position en Assemblée générale pour qu'on puisse les supporter dans leur démarche pour avoir des réponses auprès de l'université. Sinon, les cotisations des étudiants génie qui veulent avoir un nouveau frein institutionnel non obligatoire de l'université pour du développement à l'intérieur de leur programme. Non obligatoire. Est-ce que ça implique les chiennes oranges? Est-ce que c'est du développement à l'intérieur de l'association? Trouver une nouvelle couleur, peut-être ouais, mettons... mousse, je sais pas. On vous dit ça comme ça. En fait, c'est de l'argent qu'ils ont envoyé au département, en fait. C'est un frais institutionnel des étudiants qui envoient au département pour que le département puisse faire du développement. Okay. Et donc, c'est les étudiants qui ont reconnu qu'ils faisaient confiance au département pour dépenser. Non obligatoire, ça veut dire que c'est là tant que tu demandes pas à ce qu'il soit enlevé. Exactement. C'est donc, pas genre tu dois le demander pour l'avoir, le frais. Non, c'est ça, exactement. En payant ça leur facture étudiante, ils vont pouvoir à n'importe quel moment dire « Moi, ça me tente pas de payer ça », ils l'enlèvent, puis voilà, le 5$ disparaît. D'accord. Oh. Je vois. Oui. Sinon... Mais ils ont pas le petit habit orange dans ce moment-là, je pense. Ça se peut-tu? Ben ça dépend. Je pense qu'on doit aller à leur cours. La sécurité publique les laisse encore rentrer à l'intérieur de l'université avec les chaînes oranges, donc on verra. Ouais, c'est ça. On verra après ça. Puis il y a aussi deux points qui ont été demandés d'être ajoutés à l'ordre du jour. Le point Association nationale, qui est en fait, je sais pas si vous te rappelez un peu en 2012. Là. Ouais. Parce que la ministre, dans son discours mardi, s'en rappelait. Mais apparemment, on y reviendra. Tu sais, il y avait la FERC dans ce temps-là, la FEC et l'AC. Ben là, présentement, la FERC est morte. Puis descendre un peu de la FERC est née deux nouvelles associations nationales universitaires, l'AVEC, l'Association pour une voix étudiante, et l'UEC, l'Union pour une étudiante du Québec. OK. Donc, nous, le GQTR, on participe à l'AVEC présentement, puis il y a certaines questions par rapport au droit d'observateur votant qui ont été posées durant l'Assemblée générale. Donc, pour savoir est-ce que c'était légitime qu'on vote malgré le fait qu'on payait pas de cotisation à cette association-là, et est-ce qu'on avait des droits et des responsabilités légales, en fait, par rapport à l'association, si jamais il se passait quelque chose, puis est-ce qu'on était imputable, en fait? À quoi on n'a répondu pas du tout, étant donné qu'on n'était pas membre directement. Ce qui a du sens. Ouais. Au niveau de la RACJ, en fond, qui est l'autre point qui a été ajouté à l'ordre du jour, je sais pas si vous avez lu le Zone Campus, je parle aussi à nos auditeurs. Là. Ouais, le beau Zone Campus, Pamplemousse. Le beau Zone Campus, c'est ça, couleur Pamplemousse. Il sera disponible aujourd'hui un petit peu partout dans le. Oui, dans le campus. Ouais. Oui, exactement. Donc, il y a un article, en fait, en page 3. La première est sur les grandes orientations de l'EGQTR et la deuxième partie de la page parle d'un nouveau conseil d'administration pour la Chaise-Galerie. Donc, oui. On parle ici d'un nouveau conseil d'administration parce que la situation qui est arrivée à l'heure actuelle, c'est que les étudiants internationaux, à cause de la loi sur les permis de bord, ne peuvent pas siéger sur le conseil d'administration de l'EGQTR. Ah. Donc, c'est super problématique parce que nous, on est inclusif. On veut vraiment que tous les membres de l'EGE puissent s'impliquer, puissent représenter l'ensemble des étudiants de l'université. Puis, ben, cette situation-là ne nous permet pas d'inclure les étudiants internationaux, donc c'est hyper problématique. Fait qu'on on a consulté notre avocat, on a consulté d'autres associations étudiantes qui avaient un bord eux aussi pour regarder quelle structure qu'ils avaient adoptée pour que ça fonctionne. Puis, on en est venu à la conclusion qu'il va falloir créer une société par action. Ah! Dont le GQTR va détenir 100% des actions et va les garder, évidemment. Mmh. Puis, en fait, ça va permettre de créer un deuxième conseil d'administration qui va pouvoir administrer la Chaise-Galerie sans que le GQTR perde les pouvoirs par rapport à cette entité-là. Donc, le CA va être relevable à la GM, il n'y aura pas de membres en commun, il n'y aura pas de... Exactement. En fait, il va y avoir certains membres en commun. Oui, ça doit être une possibilité. Là. C'est exactement. Ça va devoir être des résidents permanents canadiens ou des citoyens canadiens qui vont résider sur ce CA-là, en fait. Okay. Mais il pourrait y avoir certaines personnes qui seraient sur les deux CA, donc il y aurait une communication qui se ferait quand même bien, puis il y aurait quand même des dossiers qui seraient partagés. Donc ça a soulevé quelques inquiétudes, donc on a répondu aux questions vraiment, on a expliqué la situation dans son ensemble. Je pense que l'ensemble de la communauté étudiante connaît... Pour ceux qui connaissent peut-être pas nécessairement qu'est-ce que la Chaise-Galerie, bien évidemment, c'est le bar universitaire ici. Le café mais... bistrot. Oui, OK, pardon. Café bistrot, mais ça sert tout bien le temps la bière, l'alcool. C'est ça. Voilà. À quoi est-ce que sert un CA pour un café bistrot universitaire? Décider d'enlever les bouteilles d'eau, je pense. Ouais, laver les plancher plus souvent. Ouais. On peut arrêter ici. Hein. Oui, en fait, un conseil d'administration, ça sert surtout à gérer les affaires légales et financières, donc entre autres à recevoir les états financiers, à faire des recommandations, puis à supporter un peu aussi la gérance dans l'administration, en fait, d'une entreprise ou d'une organisation aussi. À peu près toutes les organisations qui existent possèdent un conseil d'administration. Ouais. Et voilà. Est-ce qu'il va encore y avoir un restaurant à Chaise-Galerie un jour? Autre que les natures. Ben c'est dans les plans, je vous dirais, de développement. Ans. Oui, exactement. Mais je vous dirais qu'on avance beaucoup cette année, vraiment, notre vice-présidence aux affaires associatives et notre vice-président aux finances et au développement ont pas mal le feu au cul, je vous dirais. C'est bon, ça, c'est correct. C'est votre président de la GQTR. Il y a beaucoup de projets de développement présentement à la GQTR, puis honnêtement, on n'arrête pas, on se donne vraiment beaucoup. Ça a l'air compliqué, en tout cas. Oh, effectivement, mais c'est dans les plans, ça, je vous dirais. C'est toujours dans notre... dans notre vie, en fait, on regarde vers là, en fait. Ouais. C'est dans les plans de la gérance de la chasse-galerie. Donc, éventuellement, on devrait en arriver là. Bonne chance. Peut-être une année. Oui, bonne chance. Parce que c'est des beaux projets. Puis en même temps, on a un plan de développement aussi en rédaction cette année. Donc, ça va nous permettre tout de suite d'atteindre des objectifs qui pourraient nous permettre éventuellement d'avoir un restaurant dans la chasse-galerie. Donc, d'ici 5 ans, je vous dis, ça va se passer. Je vous avertis tout de suite. Là. C'est qu'il y a tellement de roulements, là, j'ai QTR aussi, que les plans, j'imagine, doivent changer en cours de route. Est-ce que ce fameux CA-là pour la chasse-galerie, ça va être ouvert simplement aux étudiants? Comment est-ce que ça va fonctionner pour quelqu'un qui veut y siéger? Ben en fait, on n'a pas encore défini la structure à l'heure actuelle. On est encore dans des démarches en fait pour savoir avec l'université si jamais c'est possible de transférer une entente qui est avec le GEQTR présentement. Okay. Donc, on n'est pas vraiment rendu là dans nos demandes parce qu'il faut aussi demander un nouveau permis d'alcool. Puis, tu sais, il y a comme beaucoup de considérants avant qu'on puisse même penser à adopter une certaine structure. Beaucoup de papiers à faire. Donc, c'est ça, j'aime mieux pas répondre tout de suite en fait, étant donné que c'est on n'a pas l'information. Oui, c'est ça. Toi, t'en tombes dessus. J'aime mieux pas trop mouiller. Ouais, c'est ça. Bon, au moins. C'est bien. Donc, on est en train de parler de l'assemblée de mercredi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses d'intéressant là-dedans? Ben en fait, on n'a pas eu le temps de faire le reste de l'assemblée générale parce que justement, oui, exact. La levée de cours. Hein. Oui, la levée de cours, exact. On n'a pas pu continuer pour les points suivants. Il restait les points positions sociopolitiques. Donc, encore là, des positions qu'on allait revendiquer, entre autres, dans les différentes instances politiques auxquelles on assiste et la table de l'AVEC. Donc, on n'a pas pu y aller à ce moment-là à cause qu'on a. Ben, en fait, on n'a pas pu adopter ces positions-là à cause qu'on n'a pas eu le temps. Et si je me rappelle bien, avec l'expérience que j'ai dans les assemblées générales, si ça arrête, il va falloir que ça recommence à un autre moment lors d'une assemblée suivante ou spéciale, j'imagine. Comment ça se passe pour le reste? Oui, exactement. Bien, en fait, présentement, on a probablement une assemblée générale spéciale qui va avoir lieu peut-être au début de l'hiver. Okay. On doit, entre autres, déposer plusieurs avis de motion, entre autres pour les règlements généraux qui sont à refaire de la GEQTR, avec les recommandations, bien évidemment, de l'avocat de Jury Pop. Et aussi, en fait, on va pouvoir revoir les différents points à l'ordre du jour qui n'ont pas pu être traité hier, donc on va faire tout ça en même temps dans un beau wrap-up. Mais ce qui s'est passé à mercredi qui a eu le temps d'être fait, est-ce que ça s'est adopté ou est-ce qu'il faut clore la réunion pour que ça puisse avoir lieu ou qu'on puisse agir sur les points qui ont été amenés? Les points qui ont été amenés sont quand même tous valides en fait. Et, okay. Oui, exactement. C'est juste que ceux qui n'ont pas pu être traités vont l'être plus tard, mais tout le reste reste quand même traitable. Super. Donc ça, c'était mercredi. C'est passé. Donc voilà, oui. Maintenant vous avez votre petit résumé de la chose. Oui. Sinon, si on recule un petit peu, mardi, c'était la venue extraordinaire et très attendu d'Hélène David. Oui, exactement. Donc, la ministre est venue passer 2 jours à l'université. On a eu la chance d'avoir plusieurs discussions avec elle. Je parlais tantôt de positions sociopolitiques. On a eu l'occasion d'en faire, d'en revendiquer quelques-unes, puis ça a été bien plaisant. As-tu dormi dans la résidence? C'était une très bonne question. J'imagine qu'elle a pas beaucoup dormi. Non, c'est ça. Je voulais savoir, moi, si vous avez joué au jeu des positions. Il y a tout le temps quelqu'un de debout, quelqu'un d'assis, quelqu'un de penché. Tu sais, le jeu de party que tu peux avoir, genre, je l'ai pas vu, ça. Peut-être autour de la table, par exemple, la veille. Peut-être. Que ça s'est fait. Parce que la veille, en fait, lundi, elle a rencontré plusieurs acteurs de l'université, donc les présidents de syndicats, présidents d'associations, plusieurs cadres, le rectorat, le vice-rectorat. Toi. Donc, oui, aussi. Oui, toi, oui. T'étais dans le Nouvelliste. Oui, c'est vrai, ça, j'ai trouvé ça le fun. C'est un petit baume, là. Puis, en fait, c'est ça, j'ai pu revendiquer. Ce lundi-là, je vais peut-être vous parler un peu de qu'est-ce que j'ai discuté avec la ministre. Ce sera pas c'était le premier jour, donc avant qu'elle vienne faire sa conférence. Oui, exactement. Au 12, oui. Le pré... Oui, exactement. En fait, à la base, j'ai parlé un peu du financement des universités parce que la grille de financement des universités, présentement, comme on peut le voir, les universités à Chartres, donc on peut passer à l'Université Sherbrooke, l'Université Laval, l'Université de Montréal, c'est toutes des universités qui n'ont pas déclaré de déficit cette année versus beaucoup d'universités de type UQ, donc UQTR... UQAM, UQAR, UQO, je ne sais pas exactement lesquels à l'intérieur ont déclaré un déficit, mais l'UQTR, on a quand même un déficit assez impressionnant cette année. Ouais, mettons la marge de crédit se fait aller le. Oui, on a quand même eu une hausse de la marge de crédit ouais. Dernièrement. Elle se fait aller à slot pas mal. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. J'ai fait part à la ministre qu'on avait une position sur la révision de la grille de financement des universités. Donc, pour que les universités de région qui ont quand même un très bon apport socio-économique dans la région puis dans plusieurs régions au Québec, tu sais, qu'ils puissent avoir plus de financement pour éviter ce genre de situation-là. D'un autre côté, j'ai lui aussi parlé d'une nouvelle manière de financer l'éducation qui est actuellement revendiquée par la CADEL, qui est l'association étudiante de l'Université Laval. Okay. Je lui ai dit d'aller les voir parce qu'il était en train de mettre à jour un document puis il était mieux à mesure que nous de le présenter. Donc, je lui ai dit d'aller faire un petit tour si ça lui tentait du côté de l'Université Laval. Il n'a pas eu de suivi encore là-dessus? Oui, est-ce qu'elle avait l'air réticente à l'idée ou elle avait l'air plutôt ouverte? Ben, elle avait l'air vraiment ouverte, okay. Honnêtement, même impressionnée. Donc, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Puis, j'ai parlé hier avec l'externe, dans le fond, sur le conseil exécutif de la CADUL pour lui dire que justement, probablement que la ministre allait les contacter bientôt. Enfin, je l'espère, là, mais on ne sait jamais. Sinon, on a discuté aussi au niveau des 80 millions en transferts fédéraux. C'est un dossier qui est quand même dans les médias quelque peu ce temps-ci, qui est revendiqué entre autres par la Fédération étudiante collégiale du Québec et l'Union étudiante du Québec. En fait, c'est que le gouvernement fédéral a présentement des transferts fédéraux à cause de l'abolition du crédit de l'aide. Donc, le 1er janvier prochain, les étudiants n'auront plus au fédéral de crédit d'impôt pour l'achat de livres. Ah. Donc ça, ça a généré un surplus du côté du gouvernement fédéral qui va remettre aux provinces. Du côté du Québec, c'est à peu près 80 millions. Puis, ben, les certaines associations étudiantes, dont nous, estimons que ça devrait aller en aide financière aux études, entre autres pour les étudiants qui sont dans des situations plus difficiles, en fait. Donc, ce serait un peu un cadeau de l'ensemble des étudiants pour les étudiants qui ont des problèmes un peu plus criants. Ouais. Une bonne idée. Oui. Puis sinon, c'est pas mal ça. On a parlé aussi un peu de la détresse psychologique de certains étudiants. Donc, on lui a fait part que c'était quelque chose qui nous inquiétait puis que c'est quelque chose qu'on aimerait peut-être qu'il y ait du financement supplémentaire qui soit versé aux universités pour pouvoir un peu pallier au manque encore là, du côté du service aux étudiants là, qui peut se faire sentir, surtout avec un plan de redressement qui doit être fait à l'UQTR, qui est presque accepté puis qui inclut des coupes aussi. Donc, ça, c'était lundi dans vos discussions personnelles. Mardi, c'était Tribune libre. C'était au 10-12. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde pour ça? C'était Tribune libre, c'est vraiment un discours suivi d'une période de questions, si je comprends bien la formule, dépendant de la foi. Oui, exactement. Ben, en fait, on pensait pas avoir tant de monde que ça parce que la veille, on avait eu une mésentente avec l'équipe de la ministre. On croyait qu'on ne pouvait pas inviter les étudiants parce que on avait comme ordre de ne pas contacter les médias. On t'avait comme pas compris trop à ce niveau-là. Fait que finalement, on s'est ramassé que la veille, on a mobilisé, on a vraiment fait aller notre page Facebook puis différents posts Facebook pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit informé. Puis on s'est ramassé avec une foule, honnêtement, d'à peu près une centaine, 150 personnes qui étaient présentes pour entendre la ministre durant sa conférence. Encore une fois, faut quand même le souligner, plus de gens qu'à l'Assemblée générale annuelle, faut le dire. Oui, c'est comme ça. Faites quelque chose et présentez-vous donc à vos assemblées générales annuelles. Effectivement. C'est très vrai, ça. Merci, Mathieu. Je suis là pour répondre à la joie de la place. Moi. Je suis là pour ramener les gens sur terre. Puis... Sérieux, je te rappellerai si la prochaine fois que je fais une tournée de cafétéria. C'est le monde, là, tu fais une bonne job. Faites quelque chose. Allez-y. Faites quelque chose. C'est ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est ça. Entre autres, la ministre, durant sa conférence, a abordé la question des étudiants avec des besoins particuliers. OK. Elle nous disait que depuis les années 2008, si je me rappelle bien, Années 2008. Oh oui, ça, c'est Comme les années 2000. À 8 ans de différence. En fait, elle a dit que la demande des étudiants avec des besoins particuliers aurait augmenté de 800% depuis. Mon Dieu. OK. Que c'est vraiment un besoin qui est de plus en plus criant. Puis c'est une nouvelle réalité auquel l'éducation doit faire face. Donc, c'est important de se pencher sur cette question-là. Mais on parle de quel style de besoin, mettons? Elle n'a pas spécifié, honnêtement. Okay. Il faudrait que je me penche sur la question. Oh, c'est une très bonne question. Je pourrais revenir là-dessus la semaine prochaine. C'est comme, mettons, des rentes d'accès ou c'est des besoins qui sont plus personnels, en apprentissage. J'ai l'impression que ce serait peut-être plus du côté de l'apprentissage, mais peut-être aussi avec justement les étudiants handicapés. Peut-être même financiers ou plein de besoins qu'on peut avoir dans la vie. Oui, exactement. Donc, on peut mettre un peu l'ensemble des besoins particuliers à l'intérieur de ce beau wrap-up. Sinon, on a parlé aussi de la rémunération des stages, en fait, en disant que les stages ne devaient pas être du cheap labor pour les entreprises. Comme la psychologie, souvent. Exact. Exactement. On peut entendre aussi la FIDEP et ainsi que la CRE, qui est la rémunération des stages en éducation. Donc, d'ailleurs, on a une rencontre ce dimanche de la CRE pour pouvoir regarder un peu sur la table nationale avec d'autres associations étudiantes comment qu'on s'oriente avec la CRE. Je te crée pas. Mais en fait, c'est ça, on va pouvoir regarder c'est quoi l'avenir de la CRE parce que c'est un peu au neutre, je dirais, depuis une année ou deux. Là, il y a pas grand chose qui se passe du côté de la CRE, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui s'orientent. On va pouvoir vous revenir avec ça peut-être la semaine prochaine à la chronique. Comme la première chronique. Spoiler, il va revenir. C'est ça. Il ou son équipe. J'entends dire qu'il y a une formule à multiples éléments. Oui. Cette année à l'AG. Oui, puis sinon, il y a aussi, sans oui, c'est non, en fait, il y a une question qui a été posée à la fin de la conférence par rapport au consentement sexuel et à la violence sexuelle. Ouais. La ministre a répondu que c'était quelque chose qui la préoccupait beaucoup et qu'elle serait partout où la campagne Sans lui ses noms lui dirait d'aller. Ah. Donc, c'est une belle collaboration de ce côté-là, puis on espère la revoir bientôt aussi sur ce sujet-là. C'est un sujet pour lequel on a une position, puis pour lequel on s'est positionné, en fait, puis on est proactif, je vous dirais, de ce côté-là aussi. On collabore d'ailleurs avec le groupe Action Femmes sur plusieurs dossiers à ce niveau-là. Une position traditionnelle, une position kinky. Oh, ça c'est une traditionnelle. Traditionnelle. Comme la crème. Vraiment, pas de la crème. Pas de crème pour Tania. Puis il y a une question aussi qui a été posée encore une fois sur les 80 millions de transferts fédéraux que je parlais un peu plus tôt. Donc je pense que le ministre a vraiment bien entendu de ce côté-là qu'il y avait une certaine problématique puis qu'on avait une position. Donc ça a été super agréable de ce côté-là. Est-ce que la réponse du public avait l'air positive par rapport à tout ce qu'elle disait ou il semblait y avoir comme, mettons, des... De pas la croire. Ouais, c'est ça. Belle parole, des mésententes. Le public a quand même apprécié la conférence dans son ensemble, je dirais. Okay. C'est sûr que des fois, naturellement, le public aurait voulu des fois qu'elle s'émouille plus sur certains sujets. Ah ouais. Mais un politicien étant ce qu'il est, il y a certaines questions qui ont été répondues partiellement ou des trucs comme ça. Mais je pense que de somme toute, il y a quand même eu des belles avancées. Puis ça a été super intéressant d'entendre la personne qui est à la tête de l'éducation supérieure au Québec répondre aux questions puis être présent à l'UQTR. Vraiment, on a beaucoup apprécié qu'elle se déplace. Qu'elles prennent la peine de venir nous voir. Là. L'année prochaine, un petit mash-up, là, genre la conférence d'Hélène David à midi, votre assemblée générale à 1h, tout le monde est là, t'es force à rester. T'imagines la levée de cour. Tu barres les portes. Ouais, c'est ça, tu barres les portes, tu mets des agents. Vous n'avez pas le droit de sortir. Il y a l'assemblée. Ils mettent un point avec invité ou elle fait une conférence. C'est ça. À l'intérieur de l'assemblée générale. Avec un show de musique à la fin, tout ça. C'est le show de la rentrée. Tu fais toute la même journée. Tout. Bang, bang, bang. Okay. Après, c'est l'ensemble de l'exécutif fait un burn-out puis on repart en élection générale. Ah, ça va être une belle. L'année prochaine, j'ai hâte de voir ça. Ah oui. Et sans, le bang, bang, bang n'inclut pas les relations sexuelles non consentantes. Non, c'est exactement. Parce que c'est non. Exact. Sans vous, c'est non. Merci, Alex Marchand. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Parce que je sais que la semaine prochaine, on va faire un petit résumé de l'été, etc., etc. Mais pour cette semaine, est-ce qu'on annonce autre chose? Je pense que non. En fait, on va la créer dimanche, une semaine qui est assez tranquille. Ouais. Et une activité pour le camp des la Coupe des Assos aussi cette semaine. Si vous voulez aller voir au bureau de la vice-présidence aux affaires socio-culturelles et socio-culturelles et aux affaires associatives à l'environnement, sur le même bureau. Wow. Avion d'étudiants, gang. C'est pas une personne, deux personnes. C'est deux personnes exactes sur le même bureau, puis c'est eux qui organisent la Coupe des Assos. Allez les voir à leur bureau, puis ils vont pouvoir vous donner toute l'information dont vous avez besoin. Cool! C'est fantastique! Hey, Alex Marchand, tu parles quasiment aussi vite que moi. On fait des chroniques très. Quand même, on a réussi à remplir un bon 20 minutes avec ça. Beaucoup de matériel en cette première chronique de la GEQTR. La semaine prochaine, résumé de l'été, comme j'ai dit, et on va toujours faire le résumé de la semaine jusqu'au jeudi. Après ça, du jeudi au prochain jeudi, pour essayer de couvrir tout le territoire. Et ce ne sera pas nécessairement tout le temps toi. C'est ça, on parlait de la formule tout à l'heure. Ça ne va pas nécessairement tout le temps être toi, sinon, ça va être qui? Oui. Pour ceux qui nous écoutent? Ben, je dirais, ça va être un peu tout le monde en fonction des projets. En fait, s'il y a quelque chose de spécial une semaine, qu'il y a un des officiers de la GEQTR, qu'il y a un projet particulier ou quelque chose, je pense entre autres justement aux officiers pour la Coupe des Assos que je parlais un peu plus tôt, ben, tu sais, ils pourraient venir en fait discuter avec vous puis un peu faire office à tout le monde de qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine, puis c'est quoi les activités, puis carnaval aussi, tu sais, il y a comme plein d'activités qui vont Vous êtes tous au courant des activités en général, donc eux aussi vont pouvoir parler de ce qui s'est passé la semaine d'avant et la semaine d'après, tout oui, ça. Donc, exactement. Ça va être génial. C'est tous les jeudis. On va faire ça à 8h. Merci Alex Marchand. Et merci à vous de m'avoir reçu. Ça a été vraiment très apprécié. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est un grand plaisir. Productif, très productif. Ah, c'est génial. Et vous pouvez le voir aussi les lundis soirs à 20h lors de ses matchs de son équipe. L'équipe dans quelle équipe? Les Rouges. Les Rouges, l'équipe de Gabriel Béhoud. Est-ce que tu dors? Ça m'arrive pas souvent. Ok, c'est ça. Dimanche soir, entre. C'est ça, lui aussi, il y a un abonnement au café de la Chasse-Galerie. Oh oui. Ah, le délicieux café de la Chasse-Galerie. Alors, on pourrait faire de la pub pour bien les services de la GEQTR. Uh-huh. On fera ça une autre fois. Merci, Alex Marchand. Ouais, merci à vous. Président de la GEQTR. On prend une petite pause, étant donné qu'Alex Marchand est au sommet de la GEQTR, même s'il veut pas le dire parce qu'il est très, très humble, tu sais. J'ai eu envie d'écouter la pièce Les pyramides de chocolat. Parce qu'il est au sommet de la pyramide. se colle avec les pyramides au retour. Tania Esgolin, Tania. Assemblage requis pour le jeudi 29 septembre 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Mm-hmm. Tantôt, on a peut-être brusqué un petit peu Alex Marchand avec l'intro chantée de la GEQTR. Moi aussi, j'aurais été un petit peu bouleversée. Je te l'avais pas fait entendre à la base par exprès, en fait. Je voulais te surprendre toi aussi. Ah, c'est ça. Mais t'as bien fait ça. Ça me fait plaisir. J'ai eu un commentaire d'un auditeur fidèle, Frédéric, qu'on adore. Et puis, il dit la GEQTR égale meilleure intro ever. Oh! Merci Frédéric Simon. Frédéric, que je vais retrouver à partir de lundi prochain, 20h. Il va co-animer la Luitre avec moi. C'est la première fois qu'on l'annonce en onde ou n'importe où, en fait, en général. Donc, soyez-y lundi prochain à 20h, mon nouveau co-animateur, Frédéric Simon. C'est un vrai? Bon gars, un valambin. Maintenant, tiens, tant qu'à avoir chanté l'introduction d'Assemblage requis, et l'intro de la GEQTR, continuons comme ça parce que Colin, je suis de même. Puis je te force à embarquer là-dedans. Mm-hmm. Voici l'intro chantée de Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être trop des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Tania Baudin. Oui. La honte, comme toujours au début de chaque chronique. Mais le contenu par contre. Je pensais que tu parlais de moi qui était une honte. J'ai là, mon Dieu, c'est donc bien méchant ça m'a. Ça commence honteux et après ça c'est pertinent jusqu'à la toute fin. Puis après ça on n'arrête plus d'être pertinent. Ok. T'sais? Donc c'est Tania Is Gonna Entertain Ya. On parle toujours de sujets différents chaque matin. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui même? Bien, jeudi dernier, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai présenté l'actualité selon mon propre œil. Donc ce qui avait retenu mon attention à moi. Je veux pas nécessairement faire du me, myself and I, mais c'est parce que je veux que vous compreniez que c'est pas nécessairement tout le monde qui a vu la même chose dans l'actualité durant la dernière semaine. Puis on peut très bien avoir des opinions différentes et que je vais pas nécessairement présenter quelque chose que vous allez peut-être aimer ou pas aimer, mais c'est vraiment selon ce qui a passé sous mes yeux et ce qui a retenu mon attention. C'est comme ça pour l'émission au complet. Je pense que tes chroniques, mes chroniques, c'est des choses qu'on aime, sinon on n'en parlerait pas. Parce que quand même, on n'est pas forcé par un grand empire médiatique à couvrir les choses qu'on nous force à couvrir. Ben c'est ça. Voilà. Puis la semaine dernière, c'est ce que j'ai fait jeudi dernier. J'ai décidé de remettre ça cette semaine parce que ça fait un petit peu un wrap-up de tout ce qui s'est passé durant la semaine. Et bien souvent, bien, ça amène aussi les dernières nouvelles qui viennent de sortir. Qui récent, là, c'est ça. Ça date d'hier soir. Exactement. Et, puis ça met aussi un petit peu peut-être la place pour Génie en liberté à 9h30. Et que t'es tellement dadon. Hey, hein? Bon, c'est correct. Hier, j'ai parlé de mon obsession compulsive avec Elon Musk, puis ses plans d'aller sur Mars d'ici 2018. Alors, je vais vous épargner tout ça ce matin. Mais il y a quand même beaucoup d'autres choses qui ont retenu mon attention dans l'actualité durant la dernière semaine. Et une des premières choses, c'est la rencontre avec Justin Trudeau et Emma Watson qui s'est déroulée hier au Parlement d'Ottawa. Justin Trudeau a été nommé ambassadeur, un des ambassadeurs pour la campagne He for She. Oui. La semaine dernière, j'avais discuté aussi de ce qui se passait du côté de la campagne He for She avec Emma Watson dans toutes les universités. Donc, on a décidé de faire visiter, bien évidemment, une des universités canadiennes qui est Waterloo du côté de l'Ontario à Emma Watson hier. Et par la suite, on a eu une discussion avec Justin Trudeau. Donc, c'est tout ce que je vais dire pour cette nouvelle-là. C'est que si vous voulez voir autre chose, c'est en vidéo. Donc, allez sur Internet. Et on rappelle que He for She, c'est évidemment les hommes qui encouragent la cause féminine. Exactement. Qui encouragent la cause féminine, mais qui vont aussi venir appuyer l'égalité de la femme et travailler sur les projets que certains hommes, peut-être, n'en passeront pas nécessairement appuyer parce que c'est une femme qui est à la tête de tout ça. Donc, Justin Trudeau est devenu ambassadeur pour la campagne He for She, qui fait parler vraiment mondialement. Que ce soit Je sais pas honnêtement si c'est parce que c'est Emma Watson qui la gouverne. Ah, je pense pas. Je pense pas. Je pense que si la campagne avait été mise en place puis qu'on avait décidé de prendre une autre ambassadrice aussi, ça aurait très bien fonctionné. Même quelqu'un de pas connu, sûrement. Exactement, parce que c'est une très belle cause, mais justement, on a décidé de placer quelqu'un qui était connu et qui avait ça à cœur vraiment beaucoup. Donc, de ce côté-là, ça fonctionne très, très bien. Et comme je le disais, si jamais vous voulez voir la rencontre entre les deux, mais c'est bien évidemment sur un petit peu partout sur Facebook et c'est en vidéo. Donc, vous pouvez aller regarder ça sans problème. He for she. He for she, voilà. Il y a une autre chose qui a retenu mon attention dans l'actualité cette semaine. C'est un article qui est sorti que l'infarctus serait en progression chez les jeunes femmes. Oh! Chez les femmes. Et surtout que ça serait très différent d'un infarctus masculin. Donc, on le reconnaît pas par les mêmes symptômes. Exactement. De bras, je pense que c'est le côté gauche ou bras gauche qui devient mou, je sais pas trop quoi. C'est pas les mêmes symptômes, j'imagine pas. T'as bien raison, c'est aucunement les mêmes symptômes. Donc, de ce côté-là, comment est-ce qu'on peut aussi démystifier qu'est-ce qu'une crise cardiaque, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque et qu'est-ce qu'un AVC? Parce qu'on sait que ce sont trois choses bien différentes. Donc, si vous voulez, je vais vous faire un petit retour là-dessus parce que je pense que c'est quand même assez important. Mm-hmm. Puis, vu que beaucoup de gens qui boivent du café, on sait jamais. Moi, je suis à dire, ça a tenu mon attention, surtout à cause de ça. Mais ça fait peur. Qu'est-ce qu'une crise cardiaque? Bien, c'est bien évidemment, le cœur est un muscle. Donc, comme tous les muscles, il exige un approvisionnement en sang qui est riche en oxygène, ce qui est fourni au cœur par des artères, bien évidemment. Mais une crise cardiaque, ça va se produire quand il va y avoir une obstruction des artères, comme un caillot, comme une pierre. Si quelqu'un a déjà vécu une pierre au rein ou quoi que ce soit... On ne souhaite pas. Non, c'est ça. Mais c'est un petit peu la même chose, mais dans le cœur. Donc, à ce moment-là, ça va être provoqué par un caillot sanguin et une telle obstruction va bien évidemment rapidement être résolue. Et ça peut commencer par justement des pièces de muscles cardiaques qui vont commencer à mourir. Donc, une crise cardiaque, c'est vraiment produit par un caillot qui va être en train d'obstruer une des artères qui vous fournit le sang oxygéné au cœur. Mais ça me fait juste rire parce que quand j'entends caillot, j'entends le petit caillot dans le dessin animé. Le petit caillot. Avec sa sœur. Oh, caillot. Caillot. Mais en anglais, c'est caillot. Ah oui, c'est vrai. Caillot. La différence entre une crise cardiaque et un arrêt cardiaque, c'est quand même deux choses bien différentes. Donc, sachez-le, un arrêt cardiaque, c'est différent. Ça peut être aussi beaucoup plus, je veux pas dire beaucoup plus dangereux parce que, bien évidemment, les deux peuvent amener à la mort. Mais dans un arrêt cardiaque, le cœur va complètement cesser de battre. Donc, on va considérer dans une crise cardiaque que le cœur va continuer normalement à battre. Parce que c'est simplement un vaisseau qui va être obstrué, une artère qui va être obstruée. Tandis que dans un arrêt cardiaque, ça va plus continuer à battre. Là, il y a un arrêt complet. Donc, ça va venir vraiment arrêter l'approvisionnement en sang. Et c'est là que le cœur va être bien évidemment perturbé par tout ça. Un AVC, parce que ça aussi, c'est différent. Donc, un accident vasculaire cérébral, ça se manifeste lorsqu'il y a une circulation sanguine vers le cerveau et que c'est défaillant, donc, ou encore interrompu. Donc, c'est ce qui va conduire, bien évidemment, à la mort des cellules nerveuses. Donc, si on calcule ça comme ça, un AVC, ça se passe beaucoup plus au niveau du cerveau au niveau du cœur. Et là, c'est là qu'on doit réapprendre à marcher, parler, écrire, ces trucs-là. Bien souvent, c'est des choses qui peuvent arriver aussi avec une crise cardiaque ou un arrêt cardiaque, parce que lorsque, par exemple, vous allez faire un arrêt cardiaque, le sang va plus se rendre au cerveau. Ouais. Donc, automatiquement, ça va faire, bien évidemment, des dommages au cerveau aussi. Mais lorsqu'on parle d'un AVC, c'est que là, ça va se produire directement dans le cerveau. Donc, l'AVC va se manifester lorsqu'il va y avoir un flux sanguin qui va s'interrompre vers le cerveau et qui suffit de quelques minutes pour que des cellules nerveuses commencent à mourir. Donc, c'est là où que bien souvent... Ouais, c'est ça, on va devoir réapprendre à marcher ou à parler ou quoi que ce soit selon le degré de temps ou selon la durée du temps où qu'on a manqué d'oxygène au cerveau. Une des pires affaires, ça, j'imagine, qui peut arriver dans ta vie. Hein? Probablement, oui. Il existe deux types d'AVC, sachez-le. L'accident vasculaire cérébral ischémique, ça, c'est le plus courant. C'est causé par un caillot de sang qui va bloquer un vaisseau sanguin dans le cerveau. Et il y a aussi l'accident vasculaire cérébral hémorragique qui est provoqué par un vaisseau sanguin qui va être interrompu et qui va saigner dans le cerveau. Donc, une hémorragie, bien évidemment, au niveau du cerveau. Mais l'infarctus féminin, parce qu'à la base, c'est pour ça. Je voulais faire la différence entre les trois parce que bien souvent, on met les trois dans le même paquet. Ben oui. Mais pour revenir à ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est que oui, un infarctus féminin, c'est différent dans les signes qu'un infarctus masculin. Okay. Sachez-le, ce sont des symptômes aussi atypiques, c'est-à-dire qu'on va les recevoir beaucoup plus tard. On va réaliser qu'on est en train de faire un infarctus beaucoup plus tard qu'un homme, par exemple. Qu'est-ce que sont que ces fameux symptômes-là? Bien, sachez-le, la fatigue, une fatigue chronique, là, ouais, bien évidemment, nausée, gêne respiratoire, de l'anxiété, de la douleur entre les omoplates, des ballonnements et de la pesanteur ou encore de la compression sur la poitrine entre les seins. Il faut avoir tous ces symptômes-là en même temps? Ce sont des symptômes atypiques d'un infarctus, wow, féminin. Parce qu'en tant que tel, ça pourrait être aussi un symptôme de bien d'autres affaires. Oui, exact. Ouais. Donc, si vous vous sentez un petit peu comme ça, bien, je vous dirais, mettons, de soit aller consulter, ouais, votre médecin ou 8-1, de... 8-1, au pire. Oui, c'est ça, ouais. 8-1. Parce que je regardais ça l'autre jour, puis j'étais comme, bon, ben j'ai dû en faire une coupe dans ma vie. Non, mais c'est ça. J'imagine qu'il doit y avoir un nombre ou une sélection... de tout ça, ça peut pas être juste un de chaque... Tu sais, un. Non, c'est ça. Si t'es fatigué, t'as pas d'infarctus, là. T'sais. C'est ça. Ouais. Tu sais, on s'entend. Puis il y a des facteurs aussi qui font que l'infarctus féminin va arriver peut-être plus rapidement. On parle du tabagisme. La pilule de contraception peut arriver à vous faire faire un infarctus beaucoup, vrai, plus rapidement, oui, chez les jeunes filles, entre autres. Le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle et bien évidemment le stress qui est provoqué par les activités multiples. Comme, mettons, faire 1000 affaires dans une semaine puis pas avoir de place dans ton agenda pour d'autres choses, c'est ça? C'est, j'ai sérieusement dû faire une coupe d'infarctus durant le dernier mois. Trop rétablissement, Tata. Merci. On connaît les symptômes typiques d'un infarctus, donc pour vous mettre sur la map que qu'est-ce que c'est. Bien, il y a des signes, bien évidemment, avant-coureurs. Donc, on parle de douleurs thoraciques. Avoir des douleurs qui vont intervenir dans le cou, la mâchoire, l'épaule. On parle bien souvent du bras, bien... Bras gauche, hein? Oui, le bras gauche, quand même assez souvent. Donc, ça, ce sont des signes avant-coureurs chez l'homme. Mais chez la femme, comme je viens de vous le dire, c'est totalement différent. Donc faites attention, mesdames, parce que c'est pas nécessairement parce que vous pensez que peut-être que votre mari est en train de faire un AVC que ça va être la même chose si c'est vous ça qui le faites. Mais si, mettons, vous avez votre bras gauche que vous sentez plus, peut-être que c'est un symptôme de d'autres choses chez la femme, on sait pas. Peut-être que c'est parce qu'il y a un rhume. Ça, si vous filez pas, là. Ouais. Appelez donc votre médecin. Prenez pas de chance. Prenez pas de chance, s'il vous plaît. Ouais. Une autre nouvelle qui a retenu mon attention dans l'actualité, bien, c'est peut-être pas de l'actualité, c'est peut-être pas une nouvelle non plus, mais c'est aujourd'hui. Non, en fait, le mois de septembre se termine le 30, donc demain. Non, le 31, il y a l'Halloween. Non, c'est septembre, ça. Excuse-moi, 30 septembre, t'as raison. Donc demain. Je demain, me pense en octobre depuis le début de la semaine. Sais, je comprends moi, pas. Avec. Demain, ça met la, oui, fin au mois de conscientisation au cancer de l'ovaire. Ah. C'est vraiment le mois qu'on présente pour conscientiser les jeunes femmes au cancer de l'ovaire parce que c'est quelque chose, sachez-le, qui est une des plus grosses causes de cancer au Canada. J'ai de le trouver un slogan. Oui. Ce serait l'Octoberfest. Mais c'est en septembre, on n'est pas en octobre. Mais non, ce serait un bon Mathieu, mot. C'est à il cause aurait de dû ça choisir le mot d'octobre et appeler ça l'Octoberfest. Oui, ça aurait été pas pire. C'est dit, hein? C'est vrai, t'as bien raison. Ouais. Mais quand même, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un ovaire, bien, c'est deux petits organes ovales situés de chaque côté de l'utérus et qui permet aussi d'avoir des enfants. Donc, si on a le cancer de l'ovaire, bien, ça peut bien évidemment endommager le système reproducteur de la femme au grand complet. Donc, sachez-le, mais c'est le mois de la conscientisation à ça. Allez faire quelques recherches si jamais ça vous intéresse, parce que présentement, justement, on est en train de faire la recherche d'un test de dépistage pour le cancer de l'ovaire. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait absolument rien pour ça. Donc, il n'existe pas de méthode de dépistage pour le cancer de l'ovaire comme il peut en avoir pour d'autres cancers, mais il y a une analyse présentement de sang qui se donne un petit peu partout au Canada et en Europe, c'est le CA-125. Et ça, apparemment, ça pourrait donner de l'espoir pour justement un test de dépistage pour le cancer des ovaires. Donc, ici, au Canada, on sert du CA-125 chez les femmes qui sont atteintes du cancer de l'ovaire pour évaluer leur réponse au traitement. Donc, un coup qu'on a déjà eu la nouvelle, malheureusement, qu'on était atteinte du cancer de l'ovaire, mais comme méthode de dépistage, on prendrait le CA-125, qui n'est pas nécessairement fiable parce que c'est un produit trop faux positif lorsque la patiente présente d'autres formes de cancer. Mais là, à ce moment-là, on viendrait le mettre avec d'autres... test de dépistage de certains cancers qui viendrait justement donner un bon marqueur de ce que serait, par exemple, le dépistage du cancer de l'ovaire. Donc, ce sont des recherches qui se font présentement et il y a plusieurs femmes, il y a 200 000 femmes actuellement qui participent à cette fameuse étude-là sur le test pour le CA125 au Royaume-Uni et un petit peu ici aussi parce que, ça, comme je viens de le dire, ça, c'est ici que les recherches prennent place. Donc, il y a des femmes qui sont en train de participer à cette recherche-là pour justement pouvoir prévenir le cancer de l'ovaire. Eh ben ouais. On va vers si ça marche. Ça t'a dit, on va vers. Essayer de faire un jeu de mots avec ovaire. Côté santé, sachez-le, on a terminé. Mais ce qui a retenu mon attention dans l'actualité aussi, c'est Hillary Clinton. Mais là, attention, je vais pas parler de Trump. Non. Merci. Hillary Clinton a décidé de s'associer à l'idole des jeunes, Bernie Sanders. Hey, oui, le petit jeune Bernie. Ben oui. Oui. On le sait, c'était pas tout le temps super rose entre ces deux. Ben, c'est des ennemis. Ils s'affrontaient pour la course, là, on se rappelle. Exactement. Mais le courant passe mieux présentement. On a uni nos force pour un objectif quand même assez très très urgent, celui de battre Donald Trump. Et voilà. Et donc dit, tu parlerais pas de lui, mais hein? Non, je sais, mais il fallait quand même que je le nomme là. C'est pour ça qu'on s'unit avec Bernie. Donc l'équipe de Hillary Clinton a embauché pour tenter de remonter la cote de celle qui l'a battue récemment aux élections et pour remonter ses faire mousser le tout. C'est fan pour, c'est fan pour qu'on puisse voter Hillary Clinton contre Donald Trump. Avoue que comme nom de couple, Bernie Hillary, ce serait malade. C'est Bernie Hillary. J'avoue, hein? Ouais. Ça serait quand même pas pire. Ah, t'as bien raison, Mathieu. Ouais. Hashtag Bernie Hillary. C'est ça. Oh mon Dieu. Première mondiale pour une concession d'automobile, sachez-le. Donc, il y a plus de 8000 livres de carbone de CO2 par an en moyenne qui est généré par une automobile. Et un arbre parvient à capturer environ 1000 livres de ce même gaz pendant toute sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train de contribuer à réduire les émissions de carbone. Et c'est ce que Jean-François Desalliés est en train de faire. C'est le président de Eden Canada, qui est la bannière de ONG internationale, qui est reconnue comme étant porteuse de causes humanitaires et environnementales. Et on est en train de, justement, travailler à avoir une concession d'automobile mondiale beaucoup plus verte. Donc, on parle de l'initiative qui a rejoint l'esprit de conservation d'un concessionnaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est stimulé par l'idée de M. Derry Toyota. Donc, on s'est engagé à contrebalancer les émissions produites par chaque véhicule vendu pour une période de 4 ans. Donc, comme le concessionnaire livre près de 1500 véhicules par année, sa participation permet de neutraliser près de 23 000 tonnes de CO2 et un geste qui équivaut à la plantation de 60 000 arbres, soit une moyenne de 40 arbres par véhicule vendu. Mm-hmm. Belle initiative. Ben oui. Quand même. Samsung a retenu mon attention. Comment récemment ça, donc? Parce que ce matin, sachez-le, ce matin, à 6 heures. Jeudi 29 septembre. Exactement. Samsung a annoncé qu'il allait reprendre la reprise des ventes de Galaxy Note 7. Mais qui ne pogne pas en feu, ça. Oui, malheureusement, là, mais bon... Malheureusement, parce que tu voulais un téléphone qui pogne en feu pour faire un petit truc de party. Là, oui, c'est ça, ouais. Tu sais, je voulais me faire... Tu te branches dans le main, puis... Voilà. Donc, on a annoncé jeudi matin la reprise des ventes en Corée du Sud de son téléphone intelligent Galaxy Note 7 ou 7, alors qu'une opération de rappel planétaire de la version initiale avait été faite de ce téléphone, et c'est en cause pour des batteries explosives, comme tu viens de le dire, Mathieu. Donc, le géant sud-coréen avait suspendu les ventes de ce qui devait être un modèle. Ils ont perdu tellement d'argent. Ils ont rappelé 2,5 milliards de téléphones qui avaient déjà été distribués. J'ai hâte de voir ce que ça va donner côté finance pour leur année. Tout ça en raison de batteries défectueuses, bien évidemment, mais là, on a travaillé sur le projet. Et le Sud-Coréen a estimé mardi que 60 % de ses clients en Corée du Sud et aux États-Unis avaient échangé leur Note 7 contre le nouveau modèle. Mm-hmm. Donc, le nouveau Galaxy 7 aux batteries présentées comme irréprochables va être mis en vente à partir de ce samedi en Corée du Sud. Et c'est ce qu'a annoncé Samsung dans un communiqué. Le groupe estime que 80% de ses clients vont rééchanger leur téléphone. Ben, dans le fond, là, je ne sais pas si c'est mentionné dans l'article et je ne l'ai pas devant moi, mais si je me rappelle bien, les téléphones qui ont la nouvelle batterie, leur batterie apparaît, je crois, verte dans la barre des tâches, dans la barre d'heures à la place d'être une autre couleur. Et si je me rappelle bien, ceux qui ne choisissent de ne pas échanger leur téléphone pour le nouveau modèle, qui gardent l'ancien modèle, peuvent le garder, mais la batterie va être bloquée jusqu'à un certain pourcentage. Ils ne pourront pas charger leur téléphone au complet. C'est ce que je me souviens des articles que j'ai lus, mais je ne les ai pas devant moi. Ah, c'est vrai. Mais quand même, c'est proche de la réalité au moins. Ouais, c'est... Dites-vous que c'est presque fiable ce que je viens de dire. Quand même, quand même. Il y a quand même plusieurs choses qui ont retenu mon attention du côté technologique. Il y a BlackBerry aussi qui a décidé d'arrêter toute vente de téléphone. Mm-hmm. Donc, sachez-le, si jamais vous avez un BlackBerry dans pas long, il n'y en aura plus. Mais peut-être qu'il va valoir cher pour la revente parce peut-être. Qu'il n'y en aura plus de ça produits. Ça va peut-être devenir une antiquité. On parle quand même de des pertes. On ne parle pas de des pertes vraiment extrêmes. Là, on parle d'une perte de 40 millions en quelques années. Ouais. Et tout ça a fait en sorte qu'on a décidé d'arrêter les ventes. Donc, vente de téléphones intelligents, design, production, tout ça va arrêter. Et ça fait déjà 3 ans qu'on pense à arrêter pour BlackBerry. Ils ont essayé malheureusement, bien les affaires. Ça se fait, là. Ils ont essayé de mettre Android dessus à la place de leur propre système d'exploitation et ça n'a pas été un si grand succès. C'est vrai. Il y a Apple aussi du côté technologique qui a retenu mon attention parce qu'on a décidé de s'allier avec Deloitte pour imposer le iPhone et le iPad en entreprise. Ah, je ne savais pas. Oui, donc le groupe informatique américain a accéléré son offensive pour imposer l'iPhone et l'iPad dans les entreprises avec un partenariat quand même de grande ampleur. Deloitte, c'est pas quand même rien. Pas de minerie, là. C'est ça. Ouais. Donc, l'Alliance prévoit notamment que Deloitte va mettre en place une équipe de plus de 5000 conseillers stratégiques qui vont être spécifiquement chargés d'aider les entreprises à modifier leurs pratiques pour tirer profit de fonctionnalités de l'iPhone et de la tablette iPad. Donc, de manière générale, l'écosystème de services lié à iOS, le système d'exploitation mobile d'Apple aussi va être bien évidemment travaillé. Et les deux groupes prévoient aussi de collaborer pour développer une nouvelle offre de Deloitte qui serait baptisée Enterprise Next. Et ça serait pour aider les clients du cabinet à découvrir les possibilités présentées par les produits d'Apple et à développer rapidement des solutions personnalisées, mais tout ça justement à partir de ce fameux petit engin technologique. Oui, parce qu'on aime tant. Qui a pas un Apple dans des entreprises? J'avoue. T'sais, la plupart du temps, tout le monde va travailler... plus sécuritaire, c'est plus ça, mis exactement. À jour souvent, plus... Ouais, il y a que davantage. Et Apple a dit que Deloitte était un partenaire idéal qui apporte quand même une équipe de conseillers stratégiques à Apple pour aider ses clients à vraiment révolutionner la manière dont ils travaillent en utilisant ce fameux iOS et ces fameux appareils bien... C'est pas fou, c'est pas fou et je trouve que l'idée est quand même bonne. Un bon match. Un très bon match. Ouais. Il y a la banque Laurentienne qui va éliminer 300 postes, malheureusement, et qui va fusionner 50 succursales. En disant que c'est le futur. Oui. Donc, au cours des 18 prochains mois, dans le cadre d'une restructuration au cours de laquelle 50 succursales vont être fusionnées, eh bien, la Banque Laurentienne va abolir 300 postes. Donc, il y a 300 personnes qui, malheureusement, vont perdre leur travail. L'annonce a été faite hier, après la fermeture des marchés, pendant que la haute direction de l'institution financière rencontrait plusieurs centaines de ses employés dans le cadre, justement, d'une rencontre au Palais des congrès de Montréal. Et selon la Banque Laurentienne, la majorité des postes vont être éliminés par attrition naturelle. Donc, ce sera des postes qui ne seront pas renouvelés, des gens qui prennent leur retraite qui ne seront pas remplacés. Donc, attrition naturelle, d'habitude, c'est ce que ça veut dire. J'imagine que ça veut dire qu'on ne va pas nécessairement sacrer du monde dehors. C'est ce que j'en comprends. Ils disent que c'est parce que le modèle des banques en 2016 et désuet évolue, passer à autre chose. Je ne peux pas dire que je compte ça. En tant que tel, quand est-ce que tu vas vraiment au comptoir d'une caisse, d'une banque? Mm-hmm. Un. Et deuxièmement, connais-tu même une personne qui est avec la Banque Laurentienne? Non. Moi non plus. C'est ça. C'est plate, mais c'est de même. Mais par contre, l'institution financière Banque Laurentienne est quand même pas la première à annoncer des licenciements afin de réduire ses coûts annuels. On parle aussi la semaine dernière du mouvement Desjardins qui a aboli 83 postes de directeurs, soit 8% des postes de directeurs au sein de la coopérative, ce qui vient justement ajouter à l'élimination à la fin août 28 postes de vice-président. As-tu vu que je me rappelle pas si c'est le président, mais de la Banque Laurentienne s'appelle M. Desjardins. C'est quand même drôle. Ouais, je sais. C'est quand même drôle. Mais quand même, c'est triste pour les gens qui vont perdre leur travail. Voilà. Tout à fait, là, ça l'est toujours. Là, juste à l'UQTR, ici, là, les, je ne sais pas s'ils ont été renvoyés à d'autres succursales, mais la banque, la Caisse des Jardins qu'il y avait dans le pavillon Pierre, non pas Pierre Boucher, Albert Tessier, mm-hmm. a été remplacée par un café 360D. Oui, c'est vrai. Mais c'est maintenant des étudiants qui y travaillent. Il n'y a plus de petite madame au comptoir. C'est vrai. Il n'y a plus de service conseil. C'est triste. Il voilà. Y a Yannick Clérouin, un journaliste du blog, du site lesaffaires.com, qui parle des entrepreneurs québécois qui sont plus optimistes que jamais, mais il pose la question, est-ce que c'est sérieux? Donc, les sceptiques gagneront certainement à être confondus, mais les propriétaires québécois de PME n'ont jamais été aussi positifs. C'est du moins le résultat du plus récent indice de baromètre des affaires de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Donc, l'indice du baromètre des affaires publié mensuellement a gagné de plus de 2 points au Québec en septembre pour s'établir à 67,1. La province se hisse ainsi au premier rang du pays pour la première fois depuis que la FCEI publie cet indicateur, soit après 16 ans. Mmh. Quand même. Pour l'ensemble du Canada, l'indice a reculé d'un point pour s'établir à 59, mais l'indice du Québec devance même nettement celui de son voisin ontarien qui s'établit à 60,5. Et au cours de la dernière année, le Québec est passé de l'un des endroits où les propriétaires de PME sont les plus pessimistes à la tête du classement. Donc, en un an, on a réussi à faire de nous les gens les plus pessimistes à les gens les plus optimistes. Bravo! Voilà! Donc, en premier lieu, il faut quand même souligner la dégringolade de la confiance des propriétaires de PME dans les provinces dépendantes du pétrole. L'Alberta, qui occupait par exemple le plus haut classement dans les dernières années, se retrouve aujourd'hui avant-dernière. En septembre, l'indice de confiance de cette province-là, qui s'est situé à 47,1, tout juste devant une autre province dont l'économie repose en partie sur le secteur de l'énergie, Terre-Neuve et Labrador. Eh bien, c'est cool ça. C'est très, très cool. On se rend compte qu'on a peut-être de l'optimisme. Ben oui, voilà, on va dire ça comme ça. Ma dernière nouvelle qui a retenu mon attention, elle est sortie hier soir en soirée et c'est Disney qui va faire une version animée ultra réaliste du Roi Lion. Ah, arrête donc. Oui, donc ça me fait rire parce que l'autre jour, on discutait du fait que j'haïs ça, les films de dessin animé. Ouais. J'ai de la difficulté avec les films d'animation. Et les studios Walt Disney, ben ils vont quand même se mettre sur le projet du classique du film d'animation The Lion King, donc le Roi Lion. Juste le premier. Oui, ouais. Juste le premier, celui de 1994. Ils vont revisiter une version ultra réaliste qui va s'appuyer sur l'imagerie de synthèse. Donc, avec de vrais animaux avec leur bouche faite en synthèse, peut-être? Ça devrait. Oh. Donc, ce nouveau remake-là va surfer sur la vague des classiques, bien évidemment revus par Walt Disney depuis quelques temps, qui ont connu un grand succès, entre autres Maléfique, Cendrillon ou encore le livre de la jungle qui ont été faits récemment. Et on pense confirmer que Walt Disney et le réalisateur Jon Favreau vont passer à l'étape de la production pour la nouvelle interprétation très bientôt. Donc, c'est ce que les studios ont indiqué. Pourquoi on n'a pas encore précisé la date de sortie, mais le projet va suivre le grand succès du livre de la jungle à la technologie révolutionnaire et comme le très attendu Beauty and the Beast, La Belle et la Bête, ouais. Voilà, avec Emma Watson est prévu pour 2017, un autre classique va remettre le goût du jour, c'est-à-dire le classique du Roi Lion. Eh bien, Colin, ça va être quelque chose qui va soit gâcher notre jeunesse ou encore l'améliorer ou faire découvrir ça à une nouvelle génération qui veut pas regarder de dessins animés comme toi, mais on dit que t'es plate. Je sais. Hein? Hey, mais en 94, là, quand même, le Roi Lion avait gagné 2 Oscars, ceux de la meilleure musique et celle de la meilleure chanson pour ah oui. Can You Feel the Love Tonight d'Elton John. Elton John. C'est son frère, je pense. Elton John, hein, voilà. Et aussi 2 Grammys pour la chanson du film qui s'était écoulée à 14 millions d'exemplaires. Wow! Pas rien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté réaliste. Absolument. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Je te dirais même que si cette chronique-là ne faisait pas partie de Tania Is Gonna Entertainer, je l'aurais appelée. C'est ce qui a retenu Tania Tension. Oh! Pas fou. Pire. On pourrait appeler celle de jeudi comme ça. C'est une sous-chronique. C'est ça. C'est une sous-chronique. Voilà. Sous-sous-sous-dio. Merci, Tantan. Ça fait plaisir. On fait Tania Is Gonna Entertainer tous les jours de semaine, du lundi au jeudi, à Assemblage Requis. Comme tu as parlé en milieu de chronique de cœur, oui. Je me suis dit qu'on devait réécouter notre classique, nouveau classique. Oui. De la bronze. Voici Manger nos cœurs featuring Hologramme à Assemblage Requis sur C'est fou. Manger nos cœurs, ils repousseront à l'infini. vivre. Au cœur, la bronze dans Assemblage Requis. Oh oui, au retour à la dernière demi-heure de l'émission, la dernière demi-heure de la semaine, avec une grosse pointe en dresse. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 29 septembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ouais, parle de Tania Baudin tantôt, plus tôt dans l'émission, dans la chronique Son foutu palmarès. Non, hein? Quoi? Ah, pardon. On a parlé de fast-food dans les stades de baseball, dans la chronique Son foutu palmarès. Et il y avait, parmi les faits sur le fast-food, il y avait fait crème glacée, où on servait de la crème glacée dans des petits casques de baseball.

à un vaste mouvement à venir visant à supprimer les emplois ennuyeux, répétitifs et dangereux, comme l'explique Alex Garden, évoluant au sein de l'entreprise à l'origine du robot. Capable d'ajouter et d'étaler la sauce sur les pâtes à pizza avant de les mettre au four, le robot aiderait en plus de ça les restaurants à minimiser les coûts et donc à utiliser des ingrédients de meilleure qualité. Il y a une petite vidéo de démonstration de comment ils font les pizzas. On s'entend que c'est pas pire que des pizzas congelées, genre, peu importe les restaurants, vous prenez vos pizzas congelées plates. C'est vrai, là. Et les magasins, les restaurants. Tu vois, je savais que j'allais m'étouffer. Mon Dieu, Mathieu, meurs pas. Non, mais c'est ça que ça me fait le popcorn. C'est pour ça que j'en mange jamais chez nous. Je le sais que je vais m'étouffer un jour. Mais tu non, voyons, tu vas rester en Bref. Continuons avec, on fait maintenant livrer des burritos. Vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle-là, mais explorons-la un petit peu plus. Se faire livrer des burritos par drone. Ah! Ouais, pour certains, pouvoir se faire livrer de la nourriture par drone est le rêve ultime, et pour les privilégiés du campus de Virginia Tech, ce sera bientôt une réalité. Si peu et durant quelques semaines, les burritos se seront livrés par drone grâce à Project Wing, Chipotle Mexican Grill Inc. et l'Université de Blacksburg en Virginie. L'administration de l'aviation fédérale américaine a donné son aval. Donc, Project Wing, une filiale dans la tentaculaire Alphabet Inc., c'est la compagnie de Google, pourra donc tester ses drones dans des conditions de livraison. Un objectif que visent d'autres géants comme Amazon. La société utilisera des appareils hybrides capables de voler comme un avion et comme un hélicoptère pour délivrer la nourriture préparée depuis un food truck Chipotle devant la porte du client affamé. Une partie de l'expérience consistera notamment à étudier la résistance de l'emballage et sa faculté à conserver la nourriture au chaud. C'est un test dans des conditions réelles à une échelle assez petite, mais très importante pour le futur. Il convient pour Project Wing de convaincre la FAA si l'on veut envisager de telles livraisons dans le monde entier. Parmi les heureux clients qui pourront commander, des employés de Virginia Tech, des étudiants et quelques autres triés sur le volet. Ensuite, un centre de recherche sur le café s'en vient en Californie. L'Université de la Californie, oui, à Davis, va devenir l'autorité sur la science du café aux États-Unis. Avoue que ça nous touche pas mal tous les deux. Ouais. Avec une bourse, si on veut, de 250 000 $ de la part de Pete's Coffee and Tea, la compagnie fondée à Berkeley, qui était l'inspiration d'origine pour le modèle d'affaires de Starbucks, démarre un centre de recherche multidisciplinaire pour étudier l'art et la science du café, selon SF Gate. Dans un communiqué de presse, l'université a annoncé que les chercheurs du centre vont étudier la microbiologie de la fermentation du café vert, la chimie de la torréfaction et du... comment t'appelles ça, brewing, déjà? Quand le café sort, t'as la torréfaction, t'as le... Je comprends pas. Bref, quand le café est passé à travers l'eau, là. Filtré, si on veut. La science derrière les sens lorsqu'on boit du café et la psychologie des clients par rapport à comment on achète ses grains de café et ses tasses de café. Donc, la bourse de 250 000 $ de la part de Pete's Coffee va établir le Pete's Coffee Pilot Roastery pour faire la recherche après la moisson du café. Le centre va aussi offrir des cours techniques pour les baristas et d'autres professionnels du café qui veulent améliorer leur façon de faire. Il va probablement y avoir d'autres recherches, d'autres trucs autour de ça. Il va y avoir donc plein de bourses disponibles pour les étudiants et ceux qui veulent étudier la chimie du café. Voilà. UC Davis offre déjà un cours populaire sur le café et sur l'ingénierie chimique nommé Design of Coffee. Ça a eu un dossier prouvé, donc positif par rapport à la science du breuvage, considérant l'école en tant que telle un très bon dossier par rapport à ça, parce qu'ils ont aussi des études sur le vin et sur la science culinaire alimentaire. Ils ont un centre de recherche là-dessus depuis 2008. Voilà. Ils vont rénover une bâtisse de 6000 pieds carrés pour faire de la place pour faire de la torréfaction de café. Voilà. Il va y avoir aussi un laboratoire d'analyse des sens et d'autres bureaux par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est à l'Université de la Californie, Davis. Ensuite, un couple gagne de la pizza gratuite pendant un an, mais donne le prix au complet à une œuvre de bienfaisance. Wow. Ah ouais. Après avoir dîné chez Little Caesars un après-midi, Hannah Spooner, une résidente du Michigan qui a 19 ans, elle et son copain Pete Cadry ont participé à un concours, un sweepstakes pour gagner de la pizza gratuite pendant un an. Leur décision a été un succès parce que le couple a ramené le grand prix et maintenant, ben, ils donnent ça au suivant selon Fox News Détroit. Spooner a donné les pizzas, c'est-à-dire 52 coupons de pizza d'une valeur de 500 $ à une charité locale qui s'appelle Covenant House Michigan. C'est une organisation OSBL qui héberge et donne des programmes et trois repas par jour à des sans-abri et des jeunes à risque de Détroit, voilà. Donc elle dit, et je cite, « J'ai perdu beaucoup de poids, j'essayais de ne pas manger, je n'essayais pas de manger beaucoup de pizza, voilà. » Donc c'est ça, elle voulait pas dans le fond commencer à manger beaucoup de pizza à cause de ses coupons. C'est ce qu'elle a dit à Inside Edition. Les employés de Covenant House ont admis être surpris. Donc évidemment, ils sont quand même contents de recevoir ça et ils ont fait ça à la télé, bien sûr, parce que en 2016, s'il y a quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un d'autre, tu peux pas juste garder ça pour toi. Non, c'est ça. C'est ça. Faut que ça sorte partout. Faut que ça se sache. Ensuite, un restaurant construit à l'intérieur de Boeing 737 ouvre en Chine. Un nouveau restaurant qui va vous faire apprécier la nourriture d'avion, comme nous dit BasilFloss.com. Des fois, la nourriture d'avion, c'est pas très apprécié. Non, en effet. C'est Travel and Leisure qui nous rapporte cette nouvelle-là. C'est Lily Airways qui sert de la cuisine fine à Wuhan, en Chine, et fait ça à l'intérieur d'un vieux Boeing 737. Oh, c'est si intelligent. Tellement beau en plus. Donc, l'homme d'affaires chinois Li Liang a acheté l'avion de Indonesian Batavia Air en 2015 avec l'intention de convertir ça en restaurant dès le départ. Évidemment, ça lui a coûté super cher et d'élever l'avion et a amené ça à son endroit où il est rendu en ce moment. Et l'établissement est maintenant prêt à, entre guillemets, décoller pour la deuxième fin de semaine du mois de septembre, donc c'est déjà fait. À l'intérieur, les passagers se font servir par des serveurs habillés en hôtesse ou en hôte de l'air. Les membres doivent suivre les mêmes critères que les lignes aériennes, doivent absolument passer à travers un entraînement par rapport à l'étiquette. Après avoir savouré un repas de première classe, les invités peuvent se promener dans un simulateur de vol, dans le cockpit de l'avion, ou encore aller à un parc d'amusement thématique avion, qui est un petit peu plus loin à côté. C'est moins cher qu'un billet d'avion, bien sûr, mais un repas chez Lily Airways va quand même coûter plus cher qu'un restaurant normal. On devrait payer entre 30 et 45 $ américains pour de la nourriture, quand même raisonnable considérant le fait que Liang a dépensé 5,2 millions de $ pour préparer l'avion pour le jour de son ouverture. Mmh. Et on voit que les chefs cuisiniers cuisinent à l'intérieur de l'avion et tout ça. Le cockpit a l'air vrai parce que les lumières s'allument pareil comme dans un vrai avion. C'est vraiment super bien fait. Ensuite, un homme du Texas participe à un concours d'une compagnie de gomme, mais il participe 60 ans trop tard et il gagne quand même son prix. Hein? OK. En nettoyant sa maison, un homme du Texas de 70 ans a découvert un ensemble de cartes de baseball Tops vintage datant de 1957 et 1958 selon le Dallas Morning News. En blague, Darwin Day, oui, c'est vraiment son nom, le jour de Darwin, Darwin Day, qui vit à Grand Prairie. A participé à la compétition qui était sur le dos d'une des cartes et à sa surprise, il a gagné le Grand Prix, c'est-à-dire un nouveau gant des Louisville, l'équipe de Louisville, Louisville Slugger Glove, oui. Donc c'est ça, c'est apparemment que la compagnie a tiré sa parole. Les cartes de baseball faisaient partie d'un emballage de gomme Bazooka à l'époque. La compagnie avait promis à l'acheteur la chance de gagner un assortiment de prix s'il répondait correctement à une question de trivia, donc une question de connaissance générale de sport, et qu'ils envoyaient donc sa personne participait en répondant à la question et en envoyant sa carte avec 5 emballages de gomme. Day a noté que le concours n'avait pas de date de fin officielle. Ooh. C'est pour ça que les avocats se sont mis sur les concours plus récemment. Donc, il a décidé de soumettre ça avec ses 5 emballages de gomme. J'imagine qu'il y avait ça chez lui, par hasard total. Il a envoyé ça presque 60 ans en retard. Il dit qu'il était surpris de voir qu'il n'y avait pas de date à l'arrière de la carte. Il dit que l'époque était beaucoup plus simple à ce moment-là. On n'avait pas besoin d'avocat pour tout faire. Les gens chez Bazooka Candy Brands, qui fait partie de The Topps Company, une compagnie de sport américaine, ont reçu la soumission de Day. Après avoir noté qu'il avait répondu correctement à la question piège, la question de connaissance générale, la corporation a décidé de remplir sa promesse, de la tenir. Donc, le fan de baseball a reçu un appel téléphonique lui informant qu'il avait gagné la compétition. Et son gant de baseball, bien sûr, il a reçu aussi, comme on avait dit plus tôt, c'était un assortiment d'articles de sport. Donc, il a reçu son gant de baseball, des t-shirts, un oreiller à thématique Bazooka Joe et, oui, tout plein de gomme ballon, j'imagine. Ben oui, c'est sûr. Récent, je sais pas. De 1960. Non, je me demande en tant que tel, est-ce que c'était un oreiller des années 60 ou un oreiller des années courantes? Bonne question. Récemment a perdu son frère malheureusement au cancer. En fait, il nettoyait la maison de son frère. C'est ce qui lui a inspiré de faire le ménage de sa propre maison par la suite. Tu vois? Donc, gagner le concours de Bazooka lui a donné un petit peu de bonheur par... je m'excuse. Popcorn. Sérieusement, ouais, hein? Ça ne me va pas du tout. Bref, il dit qu'il est tombé en bas du lit, il dit littéralement. Donc j'imagine qu'il s'est fait un petit peu mal, puis après ça, il était à l'hôpital, tout ça. Mais il riait tellement fort d'avoir gagné son concours. C'est cute. Félicitations, monsieur Darwin Day. Ensuite, on va devoir terminer bientôt, il en reste pas beaucoup de petites minutes précieuses à l'émission. Un restaurant en thématique foire, genre expo, là, tu sais. Mm-hmm. Thématique comme ça dans un restaurant va ouvrir dans un Walmart du Texas, dans un Walmart. Si vous aimez l'ambiance des nourritures super grasses, mais que vous détestez attendre en file pour une foire, le Dallas Morning News, encore une fois, nous raconte que les foodies peuvent sauter par-dessus les fils et savourer cette nourriture de foire à l'année longue. C'est un vendeur vétéran de foire, Isaac Russo, qui lance le State Fair restaurant dans un Walmart de Plano au Texas. Russo qui a gagné des prix pour ses recettes comme une margarita au bacon et des frites de biscuits Cookie Fries, je traduirais ça comme frites de biscuits, j'imagine. Ouais. Elle va ouvrir donc ce restaurant super rétro, l'a ouvert le 20 septembre, et ça s'appelle State Fair Treats, très beau nom. Les gens peuvent commander évidemment des pogo, des corn dogs, des patates à déjeuner frites remplies de bacon et de fromage cheddar, des funnel cakes, une sorte de petit gâteau bien sûr, et plein d'autres choses qu'on retrouve dans des foires, j'imagine des pommes caramel. Sûrement des slush, des trucs comme ça. Donc si vous voulez visiter State Fair Treats mais que vous ne vivez pas près de Dallas, soyez rassurés, Rousseau prévoit augmenter son empire, ouvrir une quinzaine de restaurants thématiques de foires d'ici la fin de 2017. Probablement, ce qu'il aimerait, en tout cas il espère, pouvoir avoir ça dans tous les Walmart du pays. Bel endroit quand même pour ça, tant qu'à croiser du monde louche comme dans une foire, ben va chez Walmart. Non mais tu sais, pour vrai. Et les États-Unis maintenant ont leur propre café à thématique Breaking Bad, le chimiste. Suivant le succès, de restaurant, d'un café comme ça qui a ouvert à Istanbul au printemps dernier, le café à thématique Breaking Bad, Walter's Coffee Roastery, vient d'ouvrir aux États-Unis. Le premier restaurant américain est à Brooklyn, dans le quartier Bushwick, un quartier très hip, très à la mode. Walter's essaie donc de capturer l'esprit du chimiste et de l'assistant de son laboratoire, Gail Bettischer's. Moi, je connais absolument pas Breaking Bad, je m'excuse. Donc, ils essaient de transformer ça en café. Ils disent respecter la chimie et le café, c'est selon leur site web. De l'extraction jusqu'aux températures utilisées pour l'eau dans leur machine d'espresso, la pression, tout ça, le grinder, peu importe. Et le café, pour eux, est une science. Selon Gotamist, le nouveau restaurant, le nouveau café de Brooklyn, un design de menu inspiré par le tableau périodique des éléments. Et des éléments d'équipement de laboratoire en vitre et des Erlen Meyer et autres comme décor. Le facteur de nerd n'arrête pas à l'esthétique. Par contre, les machines d'espresso de la boutique doivent avoir un contrôleur PID, une méthode algorithmique pour maintenir la température au degré exact pour pouvoir sortir des shooters qui sont parfaitement faits à la bonne température, chimiquement parlant. Si vous ne pouvez pas vous rendre chez Walter's Coffee Roastery, Walter, un petit guide étape par étape pour créer la tasse parfaite sur différents appareils, que ce soit une AeroPress, une Chemex ou un pour-over traditionnel comme on achète en magasin. Et Brooklyn n'est pas le seul endroit où ils veulent s'installer. Ils préparent aussi une ouverture à Dubaï. Oh, voilà. OK. Donc, c'est le café Breaking Bad. C'est là-dessus que se termine cette chronique d'une grosse boîte à l'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com, bien sûr. On rappelle qu'on a goûté tantôt à Smart Food, maïs soufflé à la paillot et cheddar, pour ceux qui se demandent. Puis ça pogne dans le fond de la gorge. Ça pogne dans la gorge, ça m'étouffe pour faire une chronique, c'est vraiment pas la meilleure chose. Mais moi, en fait, c'est vraiment juste le épicé du jalapeno qui me reste, Moi, c'est des petites retailles de coins de popopé, là. Ah, aussi. C'est ça. Bref. Voilà, et c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui, pour la semaine. Triste comme ça, mais nous serons de retour lundi prochain entre 6h30 et 9h30. Plus tard sur nos ondes, on a une bonne journée prévue pour vous. Je te dirais que ça s'améliore de semaine en semaine. Oui, c'est vrai. Fou. Les chroniqueurs vont commencer à rentrer. Ok, oui, à 9h30, Génie en liberté avec Samuel Girard et Stéphanie Rompré-Lanouette. Ensuite, à midi, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 15h, la rediffusion de La sortie de secours est à votre gauche. À 16h, la rediffusion de Radio Sonic. Donc, plein de bons socs, mais tout du vieux. Ah non, c'est du vieux récent, là. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est nouveau pour vous, comme on dit. Oui, c'est vrai. À 19h, de retour en direct avec Très Blues Assez Fou, l'émission de Denis Baudin, maintenant en format de 3h depuis le début de l'automne. Donc, soyez-y. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Oui, Tania? Mathieu, il y a aussi le kiosque. Oui, le kiosque de Assez Fou et de Zone Campus. Ça se passe. Est-ce que tu te rappelles où ça se passe? Entre la bibliothèque et la cafétéria. Et voilà. Voilà, je viens de m'en souvenir. Donc, on va être là jusqu'à 15h30. Ça commence maintenant, le kiosque, de 9h30 à 15h30. Sinon, c'est à peu près ça. On se quitte avec une pièce de Person, Mr. Howard. Merci, Tania. Merci à Alex Marchand de la GEQTR aujourd'hui. Et on se retrouve lundi à 6h30. Bye! Bon café! We'll be right back.